et bienvenue dans la rubrique Geek. Aujourd'hui, elle ne sera pas présentée par G, mais par moi, Spider-Matt. Donc aujourd'hui, donc, première émission des Corona Geekery, suite au second confinement. La première vous avait plu, donc on a remis ça avec un invité. Déjà, merci à Jules pour sa miniature, toujours aussi excellente. Je lui répète sans cesse, mais ces miniatures font partie intégrante de l'émission. Et avec moi ce soir, j'ai notre cher Dramout qui est là ce soir. Bonsoir. Ça va Dramout? Oui, tranquillou. Pas trop fatigué? Non, je suis là, c'est bon. La dernière fois, j'arrivais plus mes identifiants Skype, donc je pouvais pas participer, donc c'était un peu la galère. Ah ouais, carrément. Quoi. Et j'ai aussi, à mes côtés, G. Bonsoir. Ça va, G? Oh putain, oui, ça va bien. Ça te fait pas bizarre de ne pas présenter? Ça fait un petit peu bizarre, forcément, mais je suis très content. Et c'est très bien, je trouve que c'est une excellente chose. Oui, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, hein, c'est faire un roulement au cas où que, un de nous, comme Dramout la dernière fois, ne peut pas participer. Alors, donc, on était content qu'il participe pas, là n'est pas la question. On a dit qu'il avait été puni. Il avait été puni. On vous dira peut-être un jour ce qu'il a fait comme bêtise. Voilà, pour l'instant, c'est secret. Et nous avons donc un invité très spécial, en la personne de Alcor. Salut les gens. Alors Alcor, je vais te laisser te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Alcor. Enfin, pas vraiment, j'ai un vrai prénom, mais c'est mon pseudo du coup. Je gère une chaîne donc de comics et plus récemment de culture populaire. Donc je fais des vidéos sur de présentations de personnages, que ce soit Marvel, DC, un petit peu d'indépendant. Et récemment, je me suis lancé dans des personnages de jeux vidéo et bientôt des personnages de manga. Très bien. En fait, voilà, on voulait commencer cette émission, donc cette salve de Corona Geekery avec toi, parce que on sait que tu écoutes déjà l'émission. Et puis voilà, on a déjà eu l'occasion d'un peu papoter. Alors, pour le dire tout de suite, nous, on l'a déjà dit, on n'est pas le public cible de tes vidéos. Mais par contre, on trouve ça très très cool, le fait de démocratiser les comics, entre autres, envers un si large public. Et si même 1% de tes auditeurs, de tes viewers peuvent se dire, ah ben tiens, par exemple, quand tu avais parlé du Thor de Donny Cates, tiens, je vais aller dessus et je vais le lire, ça fait déjà un gros pourcentage qui va se retrouver en librairie. Ça, c'est très très cool. Alors, pour ce soir, le programme de ce soir, on avait décidé de choisir des geekeries, dans un premier temps, et on avait choisi normalement de faire un débat. La continuité, un frein à la créativité. Sauf qu'on s'est rendu compte que le débat, en fait, il arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe et ça aurait pris trop de temps. C'est quand même quelque chose d'hyper intéressant, mais voilà, ça, on n'aurait pas eu le temps de tout faire. Donc, à la place du débat, on va plutôt poser des questions à Alcor. Une série de questions. Eh bien, si vous le voulez bien, on va commencer. Et donc, je vais laisser la parole à Alcor pour sa première geekerie, et tu vas nous parler d'une licence de jeux vidéo. Alors, pour ma geekerie, je vais parler de Street Fighter. Donc, du coup, la licence, de manière générale, est aussi un gros bouquin que j'ai acheté récemment. Donc, Street Fighter, toute l'histoire d'une saga culte, par Steve Ender Schutt. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Street Fighter, c'est une licence de jeux de combat qui s'est développée en arcade et aussi donc, en console. Il y a eu plein d'épisodes, beaucoup de ressorties. Et c'est un de mes jeux combat préférés. Parce que déjà, j'ai connu cette licence quand j'étais tout petit, sur la Game Boy Advance. Et récemment, surtout pour une. J'ai beaucoup joué donc, à Street Fighter pour une vidéo donc, assez récente sur la chaîne où j'ai dû me farcir tous les jeux jusqu'à affronter des boss super durs. Alors, du coup, pourquoi j'aime beaucoup cette licence. C'est avant tout pour ces personnages. Donc, je trouve que les personnages sont attachants, ils évoluent plus ou moins, bon, sauf Sauf Ryu, après il y a le gameplay évidemment. Où c'est mon tout premier jeu de combat, même avant Super Smash Bros. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur les licences, vu que c'est une des licences qui s'est exportée sous plusieurs médias, que ce soit dans des films. Donc on a eu l'exemple avec le film avec Jean-Claude Van Damme, qui n'est pas excellent, mais bon. Je l'ai quand même regardé quand j'étais petit et j'avais bien aimé. J'avais aucun goût quand j'étais petit. Également, du coup, en comics. Donc, on a eu des comics qui étaient assez trash, assez bizarres. Et on a eu le droit à carrément donc, un éditeur qui s'appelle Udon, qui a créé donc, son propre univers. Donc, les personnages évoluent et font des. Ils évoluent sans que ça soit bizarre pour les personnages de la licence. Et du coup, dans le livre, toute l'histoire d'une saga culte, ça présente donc du coup tous les personnages avec les coups spéciaux, comment le personnage est joué, comment le personnage a évolué également. Donc chaque personnage est intéressant. Donc par exemple, on peut voir Ryu donc à droite de l'écran. C'est un personnage qui inspire donc les bases du jeu. Donc toutes ces attaques sont faites pour que vous appreniez le jeu. Il y a beaucoup d'autres personnages qui sont beaucoup plus complexes, certains plus agressifs, certains sont faits pour attaquer loin, etc. Et c'est un livre très intéressant si vous aimez la licence. Juste pour savoir, l'histoire du jeu, il y a une petite partie, il y a une petite partie lore, le développement, les produits dérivés, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc du coup, moi qui adore la licence et qui voulais en apprendre un peu plus sur cette dernière, j'ai été complètement ravi. Très bien. J'ai Dramout. Drame, je t'en prie. Est-ce que tu as déjà eu une approche avec Street Fighter, Dram? Ouais, mais c'est pas mon kiff. Moi, quand j'étais gamin, j'étais beaucoup plus. Tetris. J'étais. Non, Pokémon. je suis nul à Tetris, mais d'une force. Non, moi, j'étais beaucoup plus Tekken. Donc, Ah ouais. quand j'étais gamin, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Tekken et Soul Calibur. Et c'était, Ah en termes de jeux de combat, moi, c'était les jeux sur lesquels je passais le plus de temps. Et tout ce qui était Street Fighter et Mortal Kombat, qui sont quand même les. Enfin, qui sont rendus les sagas cultes, j'ai jamais vraiment accroché au gameplay. Et du coup, ça m'a jamais plus tenté que ça d'approfondir dessus, quoi. moi j'aimais oui. beaucoup hein, C'est vrai Street que... Fighter. Ouais. Mais bon, en même temps, voilà, forcément, je suis vieux, donc sur Super Nintendo, ouais, Street Fighter, c'était quand même excellent. Enfin, c'était la base, avec ce connard de bison là qui se calait sur la tête. Et puis on en avait parlé un petit peu là en préparant l'émission. Le dessin animé qui était sorti, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en cassette vidéo évidemment, chez votre marchand de journaux. Je crois que c'était Manga Animation, le nom de la boîte. C'est ceux qui avaient sorti aussi la cassette de Gali. Et il y avait un film Street Fighter. Enfin, un dessin animé, mais dessin animé film. Qui était tout simplement excellent. Et évidemment, voilà, ce tragique Street Fighter que j'avais vu au cinéma à l'époque. Hein. Mais bon, après, c'est un bon gros nanar. J'allais dire sympatoche. Ouais, on va dire sympatoche. Je préfère la vidéo de Karim Debbache, d'ailleurs, sur ce Street Fighter, sur le film. Et voilà. Et sinon, ouais, beaucoup plus Team Tekken, moi. Ah ben moi pareil, hein. Tekken, Soul Calibur, Mortal Kombat, mais c'est vrai que un peu moins Street Fighter quand même, ouais. En vrai, Street Fighter, c'est quand même dur à jouer. Faut faire Aussi. les quarts de cercle, les gauche-droite avec un bouton. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, alors que des jeux comme Tekken ou Soul Calibur, c'est enfin, du moins quand j'avais testé le jeu pour la première fois sur Street Fighter, on a dû m'apprendre les coups, mais pour Tekken, on peut jouer et s'amuser sans connaître forcément les touches, vu que c'est beaucoup plus simple en fait. T'as pas besoin de masteriser le truc pour que ça marche en fait. C'est ça la différence. C'est que moi je trouve qu'il y a un côté où quand je jouais avec quand je jouais à Tekken avec des potes ou quoi, c'est-à-dire que je l'avais pas, j'allais chez eux, je prenais un perso et t'arrives quand même à faire quelque chose, tu vois, malgré que tu y joues beaucoup moins. Alors que Street Fighter, pour moi, si tu t'es pas un minimum un peu entraîné face à des mecs qui jouent pas mal, tu vas pas exister, quoi. Et c'est ça qui rend le truc compliqué, quoi. Il n'y a pas une série de comics, il n'y a pas un truc du côté de chez Urban? Si, si. Si, c'est, ils font la série, ils éditent la série Udon, du coup. Et c'est bien, ça? Franchement, si t'aimes bien Street Fighter, les personnages, c'est pas mal. D'accord. T'as des, certains personnages ont un traitement un peu différent par rapport aux jeux vidéo, parce que bah, y a des jeux plus récents qui sortent et... Et bah, ils font leur propre histoire chez Udon, mais franchement, c'est pas mal. Ils ont même fait un comics en one shot sur les origines d'Akuma, du coup. Un peu le perso favori de beaucoup de gens Et lui, je l'ai pas connu, qui tape tu vois. super fort. Mais il est dans. Bah, c'est un personnage caché dans Street Fighter 2. Sérieux? Ah bah il était bien caché alors. Trop caché. Ah ouais, carrément. Fallait faire une combinaison bizarre et tu peux l'affronter en arcade en faisant plusieurs perfects d'affilée sans perdre aucun round et tout. Et en fait, M. Bison, donc le méchant, celui qui ressemble à un dictateur, il se fait terrasser en un seul coup par le boss en fait. D'accord. Ah, il monte plus sur la gueule des autres là, hein. Non mais c'est ça, du coup c'est devenu un personnage assez vite emblématique bah des jeux de combat après dans c'est un personnage qui est très apprécié par les fans en tout cas. Alors si il y a des réactions, il y a Altaïa, il y a Altaïa qui a sorti du coup la collection de figurines Street Fighter. Voilà, ça le mérite d'être reçu. Et Laura TV nous disait que, il dit, hein, je connais le champion européen avec Gaïl sur Street Fighter 2. Et tout le monde s'en fout, mais ça lui fait quand même plaisir de le dire. Bon, écoute, merci. Merci. Mais après, est-ce qu'il a réussi à le vaincre ou il s'est fait défoncer? C'est ça la question. Non, à mon avis, il s'est fait défoncer. Tu sais, j'ai beaucoup joué avec Adri sur la Warzone, et on peut se le dire bien tranquillement, il a dû se faire défoncer à Street Fighter. Après, je le dis, mais vraiment, j'en sais rien. C'est vraiment une impression. On suppose. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une supposition. Ah, je mettrais 1€ dessus, il n'y a pas de problème, quoi. Et bien, très bien. Merci, Alcor, pour cette geekerie. On va passer à la deuxième. Donc, et c'est toi, mon cher G, avec un comics. Tout à fait. Et un vieux truc, hein, vraiment un très très vieux machin, puisque il y a déjà quelques temps de ça, je me suis, je l'ai lu en fait pour la première fois, j'en avais énormément entendu parler, mais je l'avais jamais lu, et j'ai lu donc du coup Le Diable en bouteille, avec Michelini et Bob Layton au scénario, et au dessin on peut retrouver John Romita Jr., et petit truc sympa à noter, c'est que John Romita Jr. était ancré à ce moment-là par Bob Layton. Donc il y avait un duo de scénaristes, et Bob Layton, qui faisait aussi le scénario, bah, il ancrait en même temps les dessins de John Romita Jr. C'est une série en quelques épisodes, du 120 au 128 de la série Iron Man, qui est parue entre mars et novembre 1979. Alors là, je vous le dis tout de suite... ouais, on n'était pas nés là, hein. Même moi j'étais pas né hein, à ce moment-là. Et donc c'est une série emblématique parce qu'évidemment, c'est la première fois qu'on va voir Tony Stark avoir de légers problèmes de boisson. Alors le pitch, on va dire qu'il est assez simple. Enfin, grosso modo, Tony Stark a énormément d'emmerdes, notamment quand le Shield veut racheter Stark Industries. Ah, des gros connards, hein, le Shield à l'époque, ils font des OPA, ils essayent de racheter Stark Industries dans l'espoir de pouvoir mettre la main sur l'armement, tous ces délires-là. Parallèlement, notre cher Tony Stark, il a énormément d'emmerdes avec un certain Justin Hammer, qui s'amuse sans qu'il le sache à contrôler son armure et à lui faire faire n'importe quoi. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va le voir au fil des épisodes s'enfoncer de plus en plus dans une forme de dépression et chercher du réconfort et du courage dans la boisson. Le truc qui est vraiment vraiment sympa, ça m'a fait énormément penser en fait au Green Arrow, Green Lantern, dans toute la partie où on voit Speedy qui est accro à la drogue. Là, il y a vraiment un gros parti pris en fait de montrer les ravages de l'alcool, et c'est vraiment exprimé d'une manière très réaliste, très concrète, Et notamment aussi de quelle manière il va s'en sortir. C'est vraiment c'est brut de décoffrage, quoi. On voit véritablement Tony Stark, alcoolique, souffrir du manque de l'alcool, hésiter, être à deux doigts de replonger. Enfin, c'est relativement dur pour un comics de 79 qui s'adressait quand même globalement à des gamins, quoi. Et donc forcément. Je trouve ça hyper intéressant. Après, il y a d'autres trucs évidemment qui m'ont plu, mais là après, c'est plus le côté vieux lecteur, c'est-à-dire que voir l'armure que j'ai mis en miniature, qui est, si je ne dis pas de bêtises, la cinquième armure d'Iron Man, qui est une des plus emblématiques à une époque où Iron Man, quand il avait une armure particulière, eh ben, il l'avait pour un sacré moment. Peu importe le dessinateur qui venait dessus, il se devait de respecter les codes graphiques. Et donc cette armure, elle est totalement mythique. C'est-à-dire que moi, pour moi, quand j'étais gamin, Iron Man, c'était cette armure-là et aucune autre. Et donc forcément, c'est un personnage. Avec ce design auquel je suis extrêmement attaché. Hyper intéressant aussi de trouver John Romita Jr. Pour le coup, je présume très très jeune, avec un trait complètement différent de ce qui peut être aujourd'hui. On sait que vraiment, enfin, John Romita Jr., c'est vraiment un dessinateur qui a vraiment, vraiment, au fil des années, fait évoluer son style graphique, à un point où là maintenant, il aurait dû arrêter peut-être d'évoluer pour faire ce genre de truc, il aurait peut-être dû se calmer, mais en tout cas, les dessins à l'époque de Romita Jr. sont vraiment bons. L'ancrage de Bob Layton, il est vraiment particulier. Bob Layton, il a vraiment un trait, et donc un ancrage qui modifie vraiment le travail de Romita Junior, mais ça se tient quand même vachement bien. Très sincèrement, c'était un truc vraiment plaisant. Après, je sais pas si l'un de vous s'est déjà aventuré sur ce récit. Eh bien moi non, je l'ai acheté mais je l'ai pas encore lu. Et voilà, et donc je suis Et seul. par contre, je sais, alors dans les intégrales qui viennent de, il y a une intégrale Iron Man qui vient de sortir le mois dernier, je crois. Et de ce que j'ai entendu, c'est à partir de la prochaine intégrale que le run de Michelinie commence. Ouais. Donc voilà, ça comprendra donc le Diable en bouteille, la guerre des armures et tous ces récits mythiques. Du coup, si voilà, si vous voulez commencer les intégrales Iron Man, ben, la prochaine, ça pourrait être pas mal, quoi. Après, attention, hein. C'est vieux. Hein. Ah oui, ça c'est clair. C'est C'est vieux. vieux, C'est vieux. ça a plus de 40 ans le truc. Ouais. C'est nécessairement compliqué à appréhender. Néanmoins, pour celui qui aime un petit peu les vieux récits et qui a envie de revenir aux origines du personnage, c'est vraiment bien. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé assez marrant, c'est qu'il y a un épisode dans toute cette partie qui est complètement consacré, en fait, on revient à l'origine story en fait d'Iron Man. C'est une retraduction du premier épisode. Et je trouve ça, pour le coup, assez sympa. Alors, comme tu l'as dit, j'ai pas indiqué le prix. Parce que le modèle que j'ai, moi, c'était le Marvel Gold que j'ai chopé d'occasion, mais c'est assez facile à trouver d'occasion, mais Ouais, à des je prix confirme. pas forcément toujours très abordables. Donc, Ah bon? là, j'ai regardé un peu, hein, ça dépassait vite les 20 €, quoi. Et honnêtement, Sérieux? si, ouais. Après, bon, peut-être Parce qu'on que moi peut j'ai trouver des acheté la bons trucs, hein. version. Je crois que ceci s'appelait Gold, je sais plus, la souple. Je crois que je l'ai pas payé, je crois que j'ai payé 5 balles, je crois. Je me permets de répondre à une question Oui, de j'ai Nico vu. qui demande, alors moi qui déteste Iron Man, vous me conseillerez ce titre? Je sais pas si je pourrais te le conseiller. Je dirais que si tu as envie de découvrir Iron Man, c'est nécessairement un incontournable. Parce que ce qui est génial en fait avec ce héros, et avec tous les héros, en fait, c'est leur faille. Et là, ils ont créé une faille à Tony Stark qui est vraiment énorme. Le truc qui est vraiment marrant, c'est-à-dire que tu le vois tout au long en fait des épisodes réussir à défoncer ses ennemis, et tu te rends compte que sa plus grande difficulté en fait, c'est son problème lié à l'alcool. Il peut défoncer le mec avec ses fouets, le mec qui fait de la glace assez facilement. Il peut disposer de ses adversaires en quelques coups, mais par contre, il galère vraiment avec l'alcool. Et voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, pour se mettre à Iron Man, d'attendre. Enfin, ce récit est un incontournable, mais moi, après, c'est quelques années plus tard, notamment quand Iron Man est arrivé dans les pages de Nova, où j'ai vraiment, vraiment apprécié le personnage. Notamment. Quand il est retombé de nouveau dans l'alcool. Mais bon, j'en dis pas plus parce que je sais qu'on en reparlera un moment ou un autre. Très bien, très bien. Et Alcor et Dramout, vous avez déjà lu? Je l'avais lu il y a très très longtemps. J'avais même fait une vidéo, c'était ma première vidéo sur Iron Man. J'avais appelé le pire ennemi d'Iron Man, justement. C'est un aimant, son pire ennemi. Non, mais Pas oui, du tout. je disais que son plus grand ennemi, c'était ses problèmes d'alcool pour expliquer qu'il n'y a pas que de la baston dans. Chez les super-héros, mais c'est un trait du personnage qui revient souvent. Pour donner un exemple, dans Spider-Man, quand Peter Parker rencontre Miles Morales, il voit le Tony Stark de l'univers Ultimate et dit, tiens, le mien, il est vraiment différent, il boit pas d'alcool. Ouais, bah c'est vrai Et que celui d'Ultimate, il picole comme un trou. y a beaucoup de références justement à cet arc, à cette volonté d'être meilleur. Où Iron Man justement ne boit plus. On a eu à l'enterrement de Sentry par Oui, exemple, c'est vrai. Il buvait une bouteille d'eau. ou lorsqu'il lorsqu'il devenait l'infamous Iron Man. Non, c'était pas ça. Le supérieur Iron Man. Justement. Il rebuvait en fait. Bah Et régulièrement. après, tu vois, pour commencer les comics Iron Man, je suis pas sûr que ça soit le récit que je conseillerais, mais si pour en apprendre un peu plus sur le personnage et notamment en profondeur, c'est vraiment essentiel, quoi. Le problème, c'est que les récits Iron Man, il n'y a pas beaucoup de bons récits d'Iron Man en fait. Si, il y en a plein, mais ils sont pas encore parus, ils sont pas encore réédités. T'as Extremis qui est pas mal Oui, pour ce type Extremis, de ouais. personnage. Tu vois, C'est parti. je conseillerais ça, quoi. Après, récemment, on n'a pas eu des trucs super ouf, mais franchement, c'était pas mal, le Diable en bouteille. Ouais, y a souvent, après, il divise quand même le run de Matt Fraction et la Roca qui divise quand même. Donc, bon, c'est un peu spécial. Mais bon. Oui, après le truc de Dan Slott, par contre, fuyez. Hein. Oh là là là là Oh, là, quelle c'est. merde! Le truc de Dan Slott. Excuse-moi, mais oh putain. Ah, c'est ce C'est qui rare, sort c'est. dans les softcovers. Mon Dieu, j'ai fini de lire ça, là. J'ai enchaîné quelques softcovers la dernière fois, hein, parce que Ah, j'avais en ça! retard. Ah oui, ça c'est le bon mot. Ah oui. Bah, Non, même mais l'histoire. Dan Slott, entre ça et Fantastic Four. Lui. Même les histoires d'avant avec son frère caché et tout, c'était. Ouais, bon, de toute façon, même tu peux remonter loin comme ça, les 10 dernières années, Iron Man. Bah, depuis Civil Pourtant, War. il a bien marché au cinéma, quoi. C'est ça le pire. Le cinéma, ils l'ont bien réussi. Ouais, Bah, c'est vrai. Robert Downey Jr. a vraiment assuré aussi. Il est pour quelque chose, c'est clair. Mais bon. En n'explorant Eh pas bien, pour le toutes coup. les facettes du personnage, quoi. Notamment le Non, non. problème d'alcool, il y est pas. Oui, parce que, bah ouais. Faut que ce soit aussi des films pour les enfants. Et voilà. Et je salue Moumout qui est dans le chat et qui nous souhaite une bonne soirée. J'ai cru que t'allais dire. Je salue Moumout qui a aussi des problèmes d'alcool. Je me suis dit waouh. Je me suis dit waouh. C'est chaud, quoi. On est avec toi, Moumout. Courage. Et bien, donc c'est tout. Alors, moi, je vais en rester là. C'est très bien, ça, comme point. Très bien, parfait. Et donc, c'est à moi. Et moi, je vais parler donc d'un manga. Je vais parler de Dragon Ball Multiverse. Donc, un manga fait par des fans. Et qui est bien meilleur, selon moi, que Dragon Ball Super. Et je dirai un mot sur Dragon Ball Super plus tard. Et donc, Dragon Ball Multiverse, c'est quoi? Alors, c'est un manga donc, qui a été créé en 2008 par Salaguir, de son vrai nom Laurent Gomez, et qui est dessiné par Gogeta Junior, de son vrai nom, je ne sais pas. Il y a plus de 1800 pages qui ont été créées depuis et regroupées en 78 chapitres. Donc, il y a de la lecture. Hein. Il y a de la lecture. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, ça reprend l'histoire de Dragon Ball. Après le dernier arc, Boo. Je ne dis pas de bêtises, ça reprend ouais, quelques années après. On a, pour référence, on a Trunks et Goten qui sont adultes, un peu comme au début de Dragon Ball GT. Sauf que là, Vegeta, il n'a pas une moustache. Et ensuite, il y a des êtres un peu supérieurs, des extraterrestres, qui vont d'univers en univers, de dimension parallèle en dimension parallèle, chercher les meilleurs combattants pour faire un tournoi. Et donc là, ça ressemble un peu à l'arc dans Dragon Ball Super avec le tournoi des 12 ou 13 univers, 12 univers, je crois. Mais là où c'est très très cool, c'est que les univers et les personnages qui sont pris un peu dans tous les univers, dont l'univers de Dragon Ball que nous on connaît, il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il y a par exemple un univers où Goku n'est pas tombé sur la tête quand il était petit, et du coup il a buté tous les humains. Donc ces guerriers-là, donc Goku, Raditz, Nappa et Vegeta, ont plus ou moins terrorisé l'univers, et c'est eux que les extraterrestres qui organisent le tournoi ont été cherchés pour participer au tournoi. Il y a, en fait, les univers ont tous, de ce qu'on comprend, ont tous plus ou moins suivi la même trajectoire, mais à un moment, il y a un événement qui a fait que ça a pris une direction différente. Par exemple, il y a un univers où Cell a gagné Cell Game. Il y a 20 univers. Et c'est hyper cool parce qu'à chaque fois, on s'est tous demandé si un tel était mort et si c'était pas passé ça. Et on sent vraiment que c'est fait par un fan parce qu'il a vraiment, il utilise tous ses univers pour explorer ses pistes en fait. Et il y a aussi des chapitres spéciaux, du coup, qui creusent ces univers. Par exemple, il y a un univers où, normalement, donc, dans l'univers du Trunk du futur, c'est pas lui qui a tué Freezer quand il revient sur Terre. C'est Goku, avec le déplacement instantané, qui a réussi à revenir sur Terre et qui a tué. Et donc, il y a cette timeline aussi, donc ce monde parallèle, qui est repris dans le tournoi. Donc, on revoit Mirai Trunk du futur, et on a un chapitre qui explore, qui nous raconte cette histoire, comment ça s'est passé le combat entre Goku, Freezer et son père. Donc voilà, c'est vraiment hyper cool. Pour un fan comme moi, c'est un énorme bonbon, cette histoire. En plus du tournoi, qu'on pourrait dire, ouais, bon, c'est pas pour la bagarre et tout, machin, il y a plusieurs sous-intrigues derrière, dont une grosse intrigue. Et plus on avance et plus on découvre encore des chemins et des choses explorées dans ces univers qui nous ont été cachés par l'auteur au départ, ce qui rajoute encore des bonnes surprises derrière. Le manga a été traduit en plus de 35 langues. Voilà, ça a quand même son succès. Hein. C'est pas imprimé en physique, c'est que en fait disponible sur leur site. Ils l'avaient un peu distribué en convention, ils avaient fait des reliés. Et au niveau du dessin, donc le dessinateur, donc il y a un dessinateur sur la série principale. Tous les numéros spéciaux sont faits par des dessinateurs différents. Des fois, il y a quand même des styles très bizarres. C'est vrai qu'on est cohabitué à un style, parce que là, donc le dessinateur de la série principale, il colle au style de Akira Toriyama, hein, donc on n'est vraiment pas dépaysé. Et il y a franchement des planches qui arrachent la rétine. Par contre, on peut être plus surpris par les numéros spéciaux. C'est pas moche, hein, loin de là, mais c'est différent. C'est différent. Et pour raconter une histoire comme ça, ça passe très bien, quoi. Donc en quoi aussi c'est meilleur que Dragon Ball Super, parce que ça essaye quand même de raconter quelque chose et ça suit en fait la logique et le caractère des personnages qu'on a appris à aimer. Ce que j'ai pas retrouvé en fait moi dans Dragon Ball Super, c'est pour moi c'est de la merde. Hein. C'est Goku c'est devenu qu'un blaireau complètement con. Et puis, Dragon Ball Super, c'est que du power-up pour du power-up. Dragon Ball Super, ça commence, on a le SSJ Blue, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Oh, on s'est entraîné, on s'est transformé, super, tu m'en diras tant. On a Freezer qui revient, qui éclate Gohan. Gohan, c'est devenu une grosse loque. Mais à l'approche du tournoi des univers, il s'entraîne un après-midi avec Piccolo et il retrouve son niveau, son niveau quand il était au top du top contre Boo. Mais oui, en un après-midi, le mec, ça fait 10 ans qu'il a pas fait de sport, tout va bien. Enfin, plein de choses comme ça. On apprend que, par exemple, dans le super, que C17, ben, C17, en fait, c'est un cyborg. Donc, en fait, il a une énergie infinie. Donc, en fait, eh ben, il tient la tête à Goku en SSU Lou. Donc, qui est le stade au-dessus du guerrier du Super Saiyan 3. D'accord. Enfin, voilà. Plein de trucs qu'on nous pose comme ça. Et puis, à un moment aussi, on a des Saiyans d'un univers parallèle qui essaye de se transformer en Super Saiyan. Et en gros, la Vegeta, il veut pousser le jeune Saiyan à se transformer en Super Saiyan. En gros, il traite sa mère et le mec se transforme en Super Saiyan parce qu'il s'est mis en colère. Et parce après, qu'on a traité mec, sa mère. En gros. Et après, le mec là, il retourne dans son univers et il va voir des meufs avec qui il est pote, hein. Et puis il dit oui, en fait, il faut que tu te concentres, que tu machin. Et en fait, tu sentiras comme des fourmillements dans le dos. Ah oui, j'ai et oh, des fourmillements dans le dos et ben, en gros tu te transformes et putain ils se transforment tous en Super Saiyan parce qu'ils ont sorti des fourmillements dans... Mais on est où? On est mais est-ce que Vegeta il a une moustache? Non. Moi hier j'ai eu une crampe à un moment donné, j'ai pu dire ça y est, on y est. Ça y est les gars. Ça sent les CG Blue. Enfin, à chaque stade de transformation et de power-up qu'il y avait dans Dragon Ball, il y avait quand même une logique derrière. Tiens, Goku, pour se transformer, il a vu Krillin mourir, et vu qu'il mourait une deuxième fois, pour lui c'était définitif. Vegeta, lui, c'était parce qu'il est rentré dans une rage folle, parce que pour lui il avait atteint ses limites. Enfin, des choses comme ça. Là, on est sur du what the fuck complet, quoi. Et ça raconte rien. Parce que même leur tournoi des univers, dans Dragon Ball Super, il n'y a rien qui est intéressant. Les personnages ne sont pas intéressants. Déjà, on tombe sur des univers donc qui ont rien à voir avec celui qu'on connaît. Et on nous sort Jiren qui est complètement pété, qui est plus fort que tout le monde. Son histoire, elle est mais cucu la praline, c'est un truc de fou. Il y a rien, il y a pas d'émotion, il y a que dalle. Et puis des trucs cons, mais genre à un moment Goku qui se fait braquer par des malfrats, et il se prend une balle, et il prend une égratignure. Goku qui prend une égratignure à cause d'une balle. Je veux dire, plein de petits détails de merde comme ça. Et puis, il a fait de Goku un connard, Akira Toriyama. Vraiment, le mec, il n'a jamais été aussi con. Un gros blaireau. Alors que Dragon Ball, il était peut-être naïf, mais le mec, c'était quand même... pendant Cell, Boo, les mecs, ils se reposaient sur lui. C'était un génie un génie du combat. Et puis, il y avait une évolution. Il y avait une évolution. Pareil, il y avait une évolution. Au début, c'était le gamin naïf. À la fin, bon, c'était le daron qui chapeautait tout, quoi. C'est ça, et bien rien que pendant le tournoi contre Cell, tout le monde était Goku à la solution. Enfin, qu'est-ce qu'il va faire que tout le monde se reposait sur le Raoult de l'époque. c'était Didier Raoult. et voilà, donc si vous voulez vraiment quelque chose dans la continuité de Dragon Ball qui fait vraiment plaisir aux fans et qui a un respect vraiment de Dragon Ball, aller plutôt sur Dragon Ball Multiverse. Parce que je dirais même que, au moins, même si Dragon Ball GT c'était de la merde, au moins Dragon Ball GT ça a essayé de raconter des choses. Ça a essayé de raconter des choses avec les Tsufu, le Baby Vegeta et compagnie, ça a essayé. Là, on a essayé de nous faire quelque chose, par exemple avec l'arc Black. L'arc Black était cool dans Dragon Ball Super, mais ils sont. Même a pris les pieds dans le tapis, même dans cet arc, avec les voyages dans le temps. À la fin, on ne comprenait plus rien et on acceptait le truc. Quoi. Mais au moins, même GT, au moins, ils ont essayé de faire quelque chose. Mais voilà. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose d'intéressant, je vous conseille Dragon Ball Multiverse. Ou une conférence de Raoult. Mais c'est un autre débat. Raoult, il va aller en prison. Ouais, ça va pas tarder cette histoire. On va la suivre en prison, du coup. Et est-ce que vous avez déjà lu Dragon Ball Multiverse, messieurs ? Eh bien, moi, non. Moi, oui. Depuis 9 ans. Oh là là, mais quel retournement de situation. Mais t'es un homme bien. On s'y attendait pas. Alors, ça fait depuis que je suis en seconde, donc du coup, ça fait 9 ans. Mm-hmm. J'ai trouvé ça super cool. Donc, le concept d'univers parallèle, tu vois, c'est... c'est plutôt simple, mais qu'est-ce qui se serait passé si Vegeto n'avait jamais défusionné? Tu vois, t'as des combats un peu de rêve, quoi, qui sont dans le tournoi. Voilà, à la base, ça partait de ça, le délire du scénariste. Hein. Il y a, donc du coup, bah, on a aussi des, certains personnages qui sont un petit peu créés entièrement pour l'œuvre, ou du moins bien modifiés. Donc c'est le cas de Ub, par exemple, qui est avec Goku, qui est son maître. Ou Pan, ou la fille de Vegeto, par exemple, qui sont... qui prennent une place assez importante dans l'œuvre. J'ai beaucoup aimé la série. D'ailleurs, j'ai même acheté les tomes en convention. J'ai même demandé au mec qui a fait à Arkady Picardy, donc le dessinateur du spécial sur Gascarol, donc un super Namek, de me dessiner en tenue de Goku, d'ailleurs. Et autant il y a une vraie patte graphique. Surtout quand ils ont changé de dessinateur, vu que Gogeta Junior, à un moment, est parti pour laisser place à Surya, j'ai plus le nom. Pendant quelques numéros. Bah, pendant tout le reste, d'ailleurs. Tout le reste? Non, parce mais bon... il a arrêté de tuer. Bah, regarde les dernières pages du chapitre principal. Et tu les dernières, je les ai pas lues, j'ai quelques mois de retard. Et du coup, après... Autant c'est bien écrit, mais il y a deux points qui sont peut-être un peu plus négatifs pour ma part concernant l'œuvre. Bah, c'est le rythme de parution, c'est très frustrant d'avoir 3 pages par semaine. C'est vrai. Surtout quand on lit, surtout quand ça fait 9 ans et que là dernièrement il y a un gros truc qui se passe, donc du coup c'est un peu long. Après, il y a des spéciaux qui sont très bien. Donc, je pense notamment au chapitre avec où comme tu disais, Goku qui tue Freezer et le roi Cold, vu que Trunks n'est pas intervenu, ou encore l'histoire avec le Super Namek, c'était bien, franchement bien joué. Mais après, tous les chapitres spéciaux ne se valent pas. Il y a des fois où on raconte rien, où c'est OSEF. Ça porte pas un plus pour l'histoire. Et sinon, dernier point un petit peu négatif, je trouve que des fois c'est un peu écrit bizarrement. Il y a beaucoup de gros mots. Et ça fait bizarre de voir Goten, même adulte, parler un peu en mode ghetto, quoi. Non mais chez nous, t'inquiète, on se bat et on crève, c'est pas grave, tu vois. T'as des va te faire foutre, il y a pas mal d'insultes, c'est un peu bizarre, mais franchement il y a des univers qui valent le coup. Bah, le groupe des Saiyans qui avec Vegeta en roi, avec Raditz, Nappa et Kakaroto, du coup franchement c'est cool. Il y a même des romans qui ont été écrits sur le site. Oui. Il y a pas mal de trucs cachés. Il y a même, tu parlais des 35 langues. Bah, il y a même une langue qui s'appelle parodie. Oui. Et dans la parodie, c'est que des dialogues idiots, quoi. Genre, t'as Piccolo qui descend un peu en mode de manière stylée. T'as les gens qui disent, ah, c'est Batman et tout. Enfin, il y a pas mal de clins d'œil à découvrir sur le site. Et, moi, j'aime c'est beaucoup, vrai que, ouais, c'est vrai que le rythme de parution, c'est long. C'est que moi, j'avais tout lu d'un coup. Mais je m'étais arrêté parce que à lire 3 pages par semaine, c'est juste pas possible. Et du coup, j'ai arrêté, mais il y a peut-être 1 ou 2 ans, je crois. Donc, il faudrait vraiment que je me refasse tout, quoi. Mais ouais, c'est vrai que le rythme de parution, c'est pas le point fort, quoi. Et y a Jules qui me dit on n'entend plus Alcor. Vas-y, parle pour voir. Je suis là. Si, j'ai, hein. j'ai pas été séquestré. Normalement, si. Si nous on t'entend, il n'y a aucune c'est raison. C'est juste qu'il y a des problèmes d'audition. Ouais. C'est... Et juste pour savoir, Akira Toriyama, il voit ça de. Il s'en bat les couilles ou... Alors, en fait, le truc, c'est que ça se fait beaucoup en fait, au Japon, les fanfictions, les machins comme ça. Et du moment que tu te fais pas des couilles en or avec, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce que c'est toléré. Et tu peux même faire un petit peu d'argent avec, ça les dérange pas. Mais voilà, par contre, faut pas que ça prenne des proportions énormes, mais c'est pas mal vu ni rien. Justement, en vrai, les trucs comme ça, enfin, tant que justement ils gagnent pas d'argent, qu'il y a aucun revenu, ils peuvent en avoir, mais des tout petits. ça dérange pas. Bah, après, ils sont, ils se sont mis en entreprise, Dragon Ball Multiverse, mais c'est en association. Mmh. Et pour donner un exemple assez violent avec la licence Dragon Ball, c'est Dragon Ball abrégé, donc la série abrégée américaine, où ils faisaient des milliers de vues et ils gagnaient même de l'argent et tout. Là, je te dis, ça a été ultra mal vu de la part de Dragon Ball, quoi. Ouais. Bah, du moment que ça prend trop d'ampleur et comme tu dis, du moment que tu commences à faire beaucoup d'argent avec, ouais, là, ça leur plaît pas. Mais sinon, si ça reste, si c'est pas abusé, c'est toléré. Et, bon, bah, eux, ils font ça depuis 2008, ils ont jamais eu de soucis, quoi. Et bien voilà. Et donc, on va passer à la geekerie de notre cher Dramout. Et alors je vais le dire avec l'accent de G, c'est s'embuler. Ah ouais. Ah ouais, on y va carrément. D'accord. On tire à balles réelles. Ok. Oh, c'est français, c'est sans boule. Ouais, c'est bien. Sans boule. C'est vrai. Du coup, j'ai lu s'embuler. 100 bullets. Je l'ai dit avec un petit accent pakistanais. Tu vois, je l'ai senti. Et je vendrai des roses en fin d'émission. Mais c'est honteux. Non, j'ai terminé 100 Bullets parce que c'est un peu particulier. C'est quoi 100 Bullets? C'était dans les premiers comics que j'ai lus. J'avais lu une bonne partie, mais j'avais pas tout lu. Et puis en fait, j'avais pas forcément la totalité parce que entre la première, édition qui était chez Soleil, puis après c'est passé chez Semic, puis après c'est passé chez Panini, puis après c'est passé chez Urban Comics en petit tome, puis c'est passé en Urban Comics qui a refait ses petits tomes dans son ordre à lui, puis c'est passé chez Urban Comics qui a fait ses intégrales. Et bah du coup, fallait un peu s'y retrouver. C'était un peu la galère. Et donc, j'avais pas lu la totalité. Et j'ai pu réparer tout ça en lisant maintenant du chapitre 1 jusqu'au chapitre 100, parce que c'est une série qui était terminée en 100 numéros à l'époque de Vertigo. Il y a eu d'autres petites séries, enfin, il y a eu une autre petite mini-série qui avait été écrite un peu plus tard sur un personnage en particulier, mais qui rentre pas forcément dans l'histoire de continuité de 100 Bullets. C'est plus une sorte de petit spin-off, de petite parenthèse pour avoir un peu plus d'infos sur un des persos. Et donc du coup, je me suis fait la série dans sa totalité, j'ai repris du début. Donc 100 Bullets, c'est quoi? C'est un comics qui date de fin des années 90, début des années 2000. Et qui parle notamment de qui se part sur un dilemme en fait moral au départ, qui est si nous est arrivé du tort et qu'on avait l'occasion de pouvoir se venger et qu'on ne puisse pas être inquiété, est-ce que on saisirait cette occasion? Et ça repose du coup sur un personnage un peu mystérieux qui s'appelle l'agent Graves, qui va trouver des personnes un peu aléatoires parce qu'il a fait ses études sur eux. Il va leur donner une mallette avec dedans un pistolet et 100 balles qui sont complètement intraçables et des preuves de tous les éléments sur une personne sur qui ils peuvent se venger des torts qu'ils ont subis. Donc le premier chapitre, par exemple, on voit, on suit une nana qui est sortie de prison, dont son mari et son fils se sont fait tuer, et donc il lui donne la mallette avec 100 balles et les personnes qui ont tué son mari et son fils quand il était en prison, et donc l'occasion de se venger. Et les premiers chapitres, les premiers arcs se construisent justement sur des personnages un peu qui semblent des histoires qui semblent un peu indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que on va voir donc elle qui veut se venger de la mort de son mari et de son fils. On va en suivre un qui veut se venger, enfin qui dont lui propose de se venger de quelqu'un qui lui a un peu ruiné sa vie, qui a balancé des fausses infos, qui fait que Il a perdu, il a été vu jarter de sa famille, entre guillemets. Un autre qui a fait de la tôle à cause de, d'un de ses potes, etc., etc. Et petit à petit, on va se rendre compte que on va se poser des questions sur l'agent Graves. On va se rendre compte qu'il y a une organisation qui s'appelle le Trust, qui regroupe une 13 familles mafieuses au départ. Qui a une entité de protecteurs qui s'appelle les Minutemen. Et puis, on va voir un peu comment tout le puzzle s'imbrique au fur et à mesure et comment tout ce qui a été placé au numéro 1 trouve une place assez particulière, en fait, jusqu'au numéro 100. Et c'est un sacré taf, finalement, avec le recul. Avec le recul, c'est un sacré taf qu'a fait Azzarello en termes d'écriture, parce que tout ce qu'il a placé dès son numéro 1 trouve un intérêt à un moment dans les 100 chapitres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste des chapitres qui sont juste pour illustrer le propos ou faire de la mise en place. Non, en fait, c'est que ça paraît comme de la mise en place, mais en fait, c'est un intérêt bien plus tard, quitte à ce que c'est un intérêt 30, 40, 50 chapitres après, en fait. Et c'est ça qui est assez fou dans le titre. Si je dois caractériser, mais toute la lecture, j'ai été moyennement déçu parce qu'il y a beaucoup de choses qui me gênent. Il y a beaucoup de choses en termes de rythme, de construction scénaristique, de développement de personnages qui me gênent, que je trouve vraiment pas fou, ou que je trouve qui se tiennent pas en termes de raison, etc. Mais par contre, s'il y a une qualité qui est vraiment indéniable dans tout le taf qu'a fait Azzarello, c'est le fait d'avoir justement réussi à faire un puzzle aussi grand sur 100 chapitres. C'est-à-dire que rien n'est mis vraiment au hasard et tout est fait avec un but sans qu'on se rende compte jusqu'à ce qu'on soit plusieurs chapitres après ou voire jusqu'à ce qu'on soit vraiment à la fin, quoi. Et c'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire que j'avais une frustration quand j'avais commencé à lire à l'époque parce que justement j'avais pas la suite, donc je voyais qu'il y avait des trous et ça me frustrait. Mon recul, c'est quand même qu'il y a quand même des défauts sur le titre, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais il faut quand même reconnaître un travail remarquable, quoi. Puis en termes de dessin, Edouard Dorisso, bon après Edouard Dorisso, c'est un style très spécial, c'est-à-dire que c'est un style qui en plus qui est super sombre, qui est super noir, qui est vraiment glauque. Et qui est vraiment propre au style que les Américains appellent les noir novels, qui sont comme ce que nous on appelle un peu nos polars et nos romans policiers, nos thrillers, etc. Donc qui est vraiment, donc eux, leur noir novel, c'est vraiment ce style-là, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment ce côté à, comment dire, ce côté vraiment sombre, vraiment glauque, vraiment crade parfois. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai bien aimé. Je suis pas ultra fan du style de d'Edouard Dorisso, mais son style colle super bien avec l'histoire que met Azzarello en place. Donc en fait, les deux vont très bien de pair. Et c'est moi perso, ça m'a pas dérangé. Par contre, il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'aiment pas les traits de Risso, notamment sur tout ce qui est personnages, sur tout ce qui est décor, etc. Et je comprends que des gens puissent ne pas rentrer dedans à cause de ça, notamment, quoi. Mais moi, je trouve que c'est vraiment approprié, par rapport au scénario que Azzarello veut mettre en place, quoi. Eh bien, très bien. Ben, merci bien. Moi, je ne l'ai pas lu. C'est une de ces séries qu'il faut que je rattrape. J'ai d'accord, vous l'avez lu? Moi, non. J'ai non plus? Non, pas mieux. D'accord. Eh bien, ça sera bref. Eh bien, merci. Merci, Dramout. Eh ben merci gamin, merci d'être venu. Merci d'être venu. Allez, salut. Et pour une fois qu'il nous parle pas d'une BD syrienne, d'un comics américain, on peut pas enchaîner. C'est con. Ah mais là, si je prends des titres d'il y a 20 ans aussi, je peux plus rien faire avec un. Ah, c'est pas grave. Et bien, on va passer à la suivante donc. Et donc c'est toi Alcor avec la série Last Man. Yes. Alors, Last Man, la série, pas le film. Je crois qu'il y a un film qui est un peu. Qui est pas très bon, Last Man, en France. Je sais pas, j'ai pas vu. Du coup, pour Last Man, je vais mettre un petit peu de contexte sur quand est-ce que j'ai visionné. En fait, il faut savoir que bah, maintenant, je travaille totalement de chez moi pour les vidéos. Donc, je choisis un petit peu mes horaires et tout. Donc, du coup, je me lève tranquillement, je fais mes petits cornflakes et tout. Des cornflakes spécial K goût chocolat, pour ceux qui veulent savoir. Et le lait, On a après, après, après. les coulisses, on a les Ouais, voilà. coulisses. Et en fait, du coup, bah, Pas de marque, malheureux, pas je de cherche, marque. je cherchais, je cherchais donc du coup bah, une série à mater, et je suis tombé sur Last Man. Le pitch avait l'air sympa, donc du coup c'est un boxeur qui s'appelle Richard Aldana, qui doit s'occuper donc d'une petite fille qui s'appelle Siri. Et il faut savoir que la fille Siri donc a un roi clé en elle. Un roi clé, c'est un être d'une autre dimension, donc d'une dimension qui vient de la vallée des rois. Et tout le pitch de la série, ça va être bah, que Richard Aldana va devoir affronter des gens sur le ring pour gagner une coupe qui renverra donc du coup les rois clés dans leur dimension. C'est une série très très violente, très très crue, et ce sont donc 26 épisodes de 10 minutes. Donc du coup, c'est pas un épisode comme un animé un petit peu standard. Donc du coup, c'est pas du 25 minutes. Donc du coup, c'est très très court. Il y a énormément d'humour, et il y a un truc qui est plutôt drôle avec cette série, c'est que chaque nom d'épisode est une phrase sortie dans l'épisode. Donc par exemple, il y a "Sors de ma mère". En fait, au début d'un épisode, t'as un type qui dit au héros de sortir de sa mère. Donc, il fait, bref, il fait des choses avec sa mère, du coup. Et du coup, c'est une série très crue, très violente. L'animation est vraiment superbe. De base, j'étais pas trop chaud pour une série qui faisait un mix entre de la boxe, du combat un peu en UFC, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mélangé avec quelque chose. Un peu plus comment dire, bon, il y a avec des pouvoirs, avec plus de fiction en tout cas, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final les deux se mélangeaient bien, et puis après il y a certaines thématiques autour de la série, bah, notamment le monde du sport qui est gangréné par la mafia, le rôle de l'image, donc de l'image publique par exemple. Et il y avait également un épisode entier où justement en fait les héros étaient emprisonnés du coup dans un magasin avec par des braqueurs en fait. Et on a droit à un épisode entier où des journalistes racontent tout de l'altercation, et donc du coup bah ça aide les braqueurs à s'échapper, à faire des plans et tout, donc il y avait une petite critique de la société, des chaînes d'information par rapport à tout ça, et franchement c'est vraiment cool, c'est court. Et ce que j'ai appris plus tard, c'est que c'est un préquel à une bande dessinée française qui s'appelle aussi Last Man. Donc du coup, Ça. j'ai pas encore lu tout ça parce que bah j'ai plus de place dans ma bibliothèque. C'est pour ça que je suis plus animé et jeux vidéo en ce moment. Mais du coup, bah, je pense que je vais m'y intéresser, vu que les personnages sont vraiment bien, quoi. Est-ce que vous l'avez vu, lu? Je sais qu'alors Et que non. Dramout, toi, tu nous avais déjà parlé, non? J'avais parlé de la série il y a quelques temps. J'avais parlé aussi de la BD slash manga il y a quelques temps. J'avais fait les deux. Ouais. Et il y a une saison 2 qui est en préparation de l'animé. Oh, sérieux, trop cool. Mais ça sera pas des épisodes de 15 minutes, ça sera des épisodes de 45. C'est 6 épisodes de 45 minutes. Ouais, c'est ça. Alors si je peux juste me permettre, Jules, si tu pouvais arrêter de m'envoyer des messages pour me dire que je devrais lire Last Man, va lire The Kingdom et fous-moi la paix avec Last Tiens, Man. d'ailleurs, en parlant des trucs des 10 minutes, vu que bah, je disais que je gère mon temps, et du coup, pendant que je mangeais mes complexes, c'est très dur de se dire que je regarde 2-3 épisodes. Parce que ça s'enchaîne tellement bien et tout, tellement vite, qu'au final, bah, je perdais une demi-heure sur mon temps de travail, donc du coup, je finissais plus tard le soir, quoi. Mais vraiment, c'est trop bien, quoi. C'est combien d'épisodes la première saison déjà? 26. 26. Ouais, 26. 26. Ouais. Il faut faire quoi. Ouais, ça va. Ouais. Tu voulais en dire un mot, Dramout, ou c'est bon? Non, bah moi je suis plutôt d'accord. Après, bon, j'avais déjà parlé de machin, je vais pas forcément trop revenir dessus. Moi, je trouve que c'est bon pour répondre à Aurélien, parce qu'il sur le chat, il parle aussi de la BD. Il y a le style Bastien Vivès dessus. Bon, moi, je suis vraiment pas fan de Bastien Vivès, mais il y a aussi le style de, comment dire, de Sans la ville ou Salon ville, je sais plus comment il s'appelle, putain, à chaque fois. Et qui rattrape aussi pas mal parce que il compense ce que je n'aime pas justement dans le style de Yves. Donc du coup, le fait qu'il ait bossé aussi avec Sans la ville, puis il y a aussi Balak hein, qui fait aussi qui est plus sur le storyboard, ça permet de compenser et de pas avoir l'impression de lire que du Bastien Vivès. Parce que je comprends que ça puisse un peu freiner. Enfin, moi, je sais que perso, j'aime pas le style de Vivès, donc et j'aime pas le Vivès. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà quoi. Et en papier, c'est fini ou Ouais, en papier, c'est fini. Ouais. c'est 12 tomes, hein, je crois que c'est ça. Non, ça D'accord. va. Oui, ça va. Hein. C'est Faut se pas... les acheter quand même. Ah oui, ça après. Ou les voler. Un autre débat. Ouais, faut courir vite quoi. C'est Je vais les horrible. acheter quand même, je vais les acheter. J'ai pas envie de courir. Sens que je vais me faire gauler, j'aurai même pas la main sur la poignée de la porte. Laisse, je vais les acheter. Ouais. Eh bien, merci. Alors, on va passer à la suivante. Et c'est toi, G, avec un tome 2. Tout à fait. Avec le tome 2 de Daredevil, avec au scénario Chip Zdarsky. Ce bon vieux Chip. Voilà. On avait adoré le tome 1, on peut le dire. Ouais, moi, je l'ai pas lu. Ah, donc Dramout et moi, on avait adoré le tome 1. On On peut peut le dire. le dire. Ouais. Et voilà, avec un Keketo, ce nom, qui servait le scénario avec des dessins absolument fantastiques. Et à l'achat de ce tome 2, aux surprises, au désespoir, Keketo a mis les voiles. Parce qu'il ne faudrait surtout pas que la série Daredevil soit trop bien. Et donc, du coup, on a dégagé Keketo. Peut-être qu'il était appelé ailleurs, j'en sais rien. Mais quel dommage! Parce que ce tome 1 était vraiment plein de promesses, autant au niveau du scénario, autant sur l'aspect graphique. Et j'avoue qu'à la découverte de ce tome 2, eh ben, je suis resté pantois. Parce que. Très vite, hein, j'ai trouvé que l'histoire, en fait, bah, ouais, j'ai rien trouvé de foufou, que ça tournait un petit peu en rond, qu'il y avait des facilités scénaristiques oh assez importantes, et ça m'a mis sur le cul. C'est vraiment une grosse déception, ce tome 2. Je vais attendre le tome 3 avec impatience, parce que d'après ce que j'ai entendu, notamment par les copains de Comic City, a priori, derrière, ça remonte vraiment, vraiment. Et c'est à partir du tome 3 que ça va devenir voilà, une série a priori qui fera date sur Daredevil. Mais là, ouais, ce tome 2, vraiment un gros, gros désespoir. Au dessin, on retrouve principalement quelqu'un qui s'appelle Lalit Kumar Sharma. Eh bien, Sharma, laisse-moi te dire une bonne chose. Je sais même pas si c'est un mec ou une femme, d'ailleurs, j'en ai pas la moindre idée. On va partir du principe que c'est un mec. Il y a quand même un gros gros problème graphique. C'est-à-dire que quand tu dessines des personnages, et notamment un personnage féminin, et que sur la même page, suivant les cases, visuellement, tu te dis, ouais, elle fait un petit 55 kilos, et deux cases plus loin, elle fait un petit 95 kilos. Écoute, mon ami, le problème, c'est pas qu'elle soit ronde, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence graphique. C'est-à-dire, c'est soit elle est ronde, soit elle est filiforme, mais ça peut pas être les deux à la fois. Ou alors, c'est une mutante. Et non, non, en fait, c'est juste que bah, il sait pas dessiner, hein, le garçon. Hein. Ou la dame, hein, je sais pas qui c'est, hein, mais c'est mais vraiment affligeant. Il y a vraiment des cases qui sont sympas. Mais c'est quand même vraiment problématique quand tu n'arrives pas à dessiner deux fois de suite le personnage de la même manière. Donc c'est. Je suis vraiment resté. Ouais, sur le cul, quand j'ai lu ce tome, je vais attendre que le tome 3 y sorte. Je pense que je me referai 1, 2 et ensuite 3 dans la foulée pour voir s'il y a sur une quinzaine d'épisodes une cohérence, un liant qui me permette vraiment de croire un petit peu plus en cette série. Mais là, c'était la descente aux enfers, la douche froide. Les montagnes russes, le premier tome, vraiment, je vous le conseille, c'est une merveille. Et voilà, je vous conseille le premier tome, c'est une merveille. Et le tome 2, ouais, franchement, non, j'ai pas du tout aimé. Bien, je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Et vous, Dramout Talcor, vous l'avez lu ? Non, pas encore. Je l'ai pas encore lu, mais en ce moment, bon, il est à 1,89€ chez Isneo. Oh ? Ah ouais. Le tome 2 ? Le tome 1, le tome 1. Ah. Ah ouais, non, mais le tome 1, vraiment, ça déconne. Le tome 1, il est bien. Il pète, ouais, vraiment. Mais j'aime beaucoup. C'est Checheto ou Keketo ? Keketo. Keketo. Il est italien. Dit petite Kekette. je m'attendais à la blague. J'aime beaucoup ce dessinateur, en tout cas. Ou ça voudrait dire une Kekette, comme on dit, tu vois, genre un spaghetto, des spaghettis, tu vois. Ah, une Kekette. Horrible. Bah, je m'y tenterai, vu que j'aime beaucoup. Bah, Daredevil notamment. Après, j'ai pas trop lu ce qui se faisait de récent. Bah, surtout, bah, j'ai surtout lu ce qu'avait fait Miller, en fait. Ouais. Et j'avais commencé un run aussi, mais je me rappelle plus du tout l'auteur. Donc, c'était quoi l'auteur précédent là? Soul, c'était peut-être du Charles Soul. Ah, c'était avant Soul. Avant Soul. C'est Wade. Je pense, mais le style graphique, c'était, il était un peu très spécial. Avec Wade, C'est Chris Samney. Ouais. Mais ouais, c'est Chris Samney, c'est toujours un style. Il y a un style très limite très ligne claire en fait, dans le style de Samney parfois quoi. Ah, j'aime bien Samney. Alors, je m'y tenterai. Il y a quand même un motif de comment dire de d'espoir, c'est-à-dire que le dernier épisode en fait il n'est pas dessiné par Lalita machin Kumar, j'ai mangé ton nom, mais ensuite c'est Jorge Fornes qui vient avec un style beaucoup plus polar, et a priori, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il reste quelques temps sur la série, et tout de suite c'est mieux quoi, disons que ça se tient nettement mieux. Tu vois, c'est chiant ce que fait Marvel, c'est de ne pas laisser les artistes plus de quelques numéros en fait. C'est souvent. Bah ouais, c'est souvent. C'est pas sur toutes les séries, heureusement, mais c'est quand c'est même souvent qu'il y a des changements d'artistes. Et le problème, c'est que t'as des changements d'artistes, mais avec c'est des grands écarts quoi. Parce que là, tu passes de Sharma à Fornes, oh la vache! Ça n'a rien à voir, quoi, tu vois, dans le style. Il n'y a pas de... Là, on vient de faire Keketo, Sharma, Fornes. Les trois styles n'ont rien à voir. Mais rien à voir. C'est quand même problématique, je trouve, pour s'accrocher à une série. Au moins qu'il y ait une cohérence graphique, quoi. Ben, ouais. Là, pour l'instant, ben, il n'y a pas, quoi. Que dalle. Non. Ouais. C'est vrai que... Ben, c'était sur le Man Okai aussi. C'était aussi Keketo qui faisait la série. Donc, la série en 12. Et il n'avait pas été jusqu'à la fin. D'accord. On n'est même pas foutu d'avoir la série en 12, donc voilà, une mini-série avec le même artiste dessus, quoi. C'est fatigant. C'est beaucoup plus emmerdant. Parce que quand pars sur une mini ou bien une maxi-série. Oui, tu sais ce que t'auras comme numéro, tu vois. T'as quand même un run, bon, j'ai envie de dire, c'est quasiment obligé à un moment donné d'avoir des petits épisodes de respiration. Mais si t'as un scénariste qui est talentueux, il peut tout à fait prévoir ce genre de changement en adaptant son histoire, en faisant des flashbacks, enfin voilà. Tu vois, des trucs qui justifient un petit peu. Ce que fait très très bien Ali Wing sur Immortal Hulk. Mais c'est là où on se rend compte que... Non, vraiment, je le dis comme ça. Ben non, mais c'est là où on se rend compte que les dessinateurs qui font quasiment un run complet, genre limite, comment dire, par exemple le run de Capullo sur Batman, bah, c'est ultra fort de tenir la cadence aussi. Ah oui. Parce que c'est hyper rare aujourd'hui d'avoir un dessinateur qui fait tout le run, et il y en a pas des masses maintenant qui font 50 numéros d'affilée quoi. Mais il y a bien eu d'autres dessinateurs sur la période 52. sur les autres séries, tu veux dire? Non, sur Batman. Non, il y a eu que Capullo. Et 52. Je sais même pas si dans les tomes d'Urban, c'est que je crois qu'il y a un tome qui, où il y a pas toutes. Enfin, il y a une. Il y a d'autres numéros. Ouais, il y a d'autres numéros en fait dans Urban, ouais. Mais je crois qu'il est resté jusqu'au bout. Il y a des intermédiaires style comment dire. Il y a Jock qui vient pour une partie. Pour des annuals ou... Ouais, enfin, genre par exemple des trucs comme ça, soit des tie-in, ouais. Soit des annuals. Il y a le tie-in notamment de Sean Gordon Murphy dans celui où on apprend qu'il y a un Batman tous les 12 ans, une connerie comme ça. Mm-hmm. Il y a des choses comme ça. Mais sinon, le Batman New 52, ouais, il me semble que c'est Capullo qui fait les 52 numéros. Voilà, franchement, je me rappelle pas. On regardera, mais si c'est le cas, ouais, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, faut se vérifier, mais ouais, c'est vrai que c'est... Et puis c'est de plus en plus rare, c'est vrai. Mm. Eh bien, très bien. Alors, c'est à moi avec la geekerie suivante, et je vais vous parler d'un film Netflix, The Discovery. Alors, The Discovery, ça raconte l'histoire d'un chercheur, Thomas Harbour, qui fait une découverte scientifique... Voilà, une petite découverte qui se pose là, hein, c'est qu'en fait, il arrive à prouver qu'il y a quelque chose après la mort. Voilà, donc il a fait des tests et des expériences. Il s'est rendu compte que quand un humain meurt, une partie de, entre guillemets, son âme, au niveau quantique, va vers une autre dimension. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et cette découverte engendre eh bien, une vague de suicides, des suicides quotidiens de gens qui veulent en mettre un terme à leur vie et se redonner une chance dans la vie suivante, même si en fait on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Hein. Et on va suivre ensuite le docteur Thomas Harbour. Va mal vivre cette situation, dû aussi au fait d'un événement qui va se passer au tout début du film, et va s'enfermer avec quelques fidèles, entre guillemets, sur une île, et continuer ses recherches. Il va être rejoint par son fils, ainsi qu'une autre femme que son fils va rencontrer, et dont il va tomber amoureux tout doucement. Et on va suivre donc ces quelques personnes, ce chercheur Thomas qui va pour le coup essayer, donc 2 ans après sa découverte, de découvrir, de filmer, d'avoir des images de ce qu'il y a après la mort. Et donc c'est pas un film où on verra des suicides collectifs dans les villes, des gens qui se jettent d'immeubles comme on aurait pu voir dans le film. C'était comment déjà? C'était où tout le monde se suicidait là. Je ne me souviens plus. Phénomène? Je ne sais plus. Là, ça va vraiment être. On va de temps en temps entendre une radio par-ci par-là dire que tant de suicides aujourd'hui. Dans les hôpitaux, il y aura des sortes de pubs où il y aura écrit rester dans ce monde, la vie vaut le coup d'être vécue. Il y aura même des compteurs dans les hôpitaux avec le nombre de morts, les 4 millions et quelques suicidés depuis la découverte, des choses comme ça. Ça va aussi questionner sur la portée d'une telle découverte, parce que on ne sait pas, peut-être qu'un jour c'est possible qu'on fasse une telle découverte, et si c'est le cas, est-ce qu'on devrait la rendre publique, parce que ça remettrait quand même un peu tout en cause la façon de voir la vie, et on aurait une preuve que l'univers ne s'en fout pas de nous au final. J'avais un peu peur que ce soit une redite du film L'Expérience Interdite avec Jason Bacon, Emma Roberts, etc. Un putain de bon film. C'était un putain de bon film, mais à un moment j'ai eu peur que ça parte un peu dans la direction là. Je me dis, ah merde. Et non, ça a vraiment sa vision de ce qu'il y a après la mort. Et ouais, c'est cool parce que je m'attendais pas à ça. C'est original. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et après, j'avais aussi un peu peur que ce soit un de ces films lents où ça parlote beaucoup. Mais au final, non, il dure 1h50, il prend son temps, mais juste ce qu'il faut pour bien nous faire accrocher après les personnages. Il y a de bons dialogues, on s'attache aux personnages, aux situations. Et il y a toujours cette petite découverte, ce petit truc qui arrive au bon moment pour relancer l'intrigue et relancer cette quête de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et j'étais étonné aussi parce que il y a Robert Redford, donc c'est lui qui fait le rôle de Thomas Harbour, le professeur. Je ne savais pas qu'il avait joué là-dedans. Donc voilà, vraiment un bon petit film de SF qui fait réfléchir, mine de rien, hein, parce que bon, voilà, hein, ça parle de la mort, de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, moi non. Ouais. T'en as pensé quoi, Andramon? En fait, moi j'ai bien aimé le rôle de Jason Segel parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Jason Segel dans un film plus sérieux, etc. Outre comment dire donc enfin sa période How I Met et la période des comédies de Judd Apatow. Donc du coup, ça faisait du bien de le revoir dans un rôle comme ça. Après, moi, j'ai trouvé que le film, le problème, c'est qu'il va pas assez loin et du coup, c'est trop conventionnel. Parce que, en fait, moi, je l'avais vu parce que donc c'est le même réalisateur que The One I Love et j'avais bien aimé The One I Love parce que je m'étais penché dessus parce que c'est les frères Duplass qui l'avaient produit et j'aime beaucoup ce que font les frères Duplass en termes de production. Et donc, du coup, quand j'ai vu qu'il avait sorti, enfin, c'est son film d'après, je me suis penché dessus et en fait, j'étais très déçu. Parce que je trouve que le sujet, il est que effleuré, en fait. Et il n'y a pas vraiment de discussion. Et après, on est vraiment dans une construction scénaristique qui est la construction de la croyance et du doute. Et donc, en fait, c'est la boucle forcément qui se répète. Et donc, du coup, on est dans une construction où on voit ce qui va arriver et ce qui va se passer. C'est juste, du coup, savoir quel personnage va faire quoi. Et puis après, au bout de 30 minutes, on sait quel personnage va faire quoi. Et du coup, c'est ça qui est frustrant, c'est que au bout des 20-30 minutes, une fois que tu as un peu caractérisé tes personnages, tu sais lequel va répondre à quel rôle. Et du coup, c'était frustrant. Donc, j'ai pas, il m'a un peu laissé sur ma faim. Mais par contre, ça faisait du bien de voir Jason Segel dans un rôle comme ça, où il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment, il a de bonne justesse, il en fait pas des caisses, il n'est pas juste en train de tirer les larmes, etc. Et on le voit vraiment, on n'est pas forcément dans un personnage cliché, meurtri, du fils, du père, etc. Du coup, ça fait du bien de le voir là-dedans, quoi. Parce que ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu là-dedans, quoi. Pour moi, c'est vraiment le point positif du film, par contre. Ouais, non, c'est vrai que ouais, c'est une bonne petite découverte. Et en plus, il date de 2017, je crois. Donc, ouais, il est pas tout jeune, quand même, ce petit film. Pas récent, récent. Et ouais, je trouvais ça vraiment très, très, très cool. Puis, ouais, il donne sa vision du truc. Et je trouvais ça vraiment sympa. Eh bien, Dramout, tu vas garder la parole pour nous parler d'un manga dont je voulais parler avec toi depuis très longtemps, en plus. Je vais parler de Blame de Totoro Nye sorti ah, ils enchaînent, il nous fait un combo là. Sorti chez Glénat Manga. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on dit ouais. sur Blame? On est d'accord. Alors Blame, attention, attention. En fait, je suis curieux de savoir ce que tu vas pouvoir dire dessus. Le synopsis, il est simple. Le synopsis, il est très facile. On suit Killy, qui est donc du coup qui est un peu. On ne sait pas si au début s'il travaille pour le gouvernement, enfin pour une société gouvernementale ou pour une société annexe ou quoi que ce soit, qui est en fait dans une méga structure et qui est à la recherche en fait de gènes accès réseau. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir plus de choses pour démarrer. De toute façon, il n'y a même pas besoin de savoir des choses pour démarrer. De toute façon, on ne Parce dit rien que d'autre. Blame, c'est. En fait, Blame, c'est une méga structure avec des niveaux dans tous les sens, des escaliers dans tous les sens, de l'architecture dans tous les sens. Et bien, l'histoire, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un méli-mélo de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un titre, donc c'est un titre qui a été écrit par Tsutomu Nihei depuis je sais plus quand il date, fin des années 90, quelque chose comme ça, je crois. Entre, il a commencé entre 95 et 2000 et il s'est fini entre entre 2000 et 2005, quelque chose comme ça. Et c'est un titre qui rentrait un peu dans les classiques des mangas, notamment au Japon. Et qui est un titre très reconnu et qui a fait aussi passer Tsutomu Nihei dans une nouvelle notoriété. Mais c'est un titre où forcément quand on sort, on n'a pas l'impression d'avoir compris grand chose. On ne sait pas si on a compris les choses qu'il fallait comprendre. Est-ce qu'on a vraiment compris? Mais je trouve que c'est aussi ce qu'il cherche à faire, c'est qu'il y a toute une question du raisonnement sur l'évolution de l'être humain dans la méga structure, parce que justement il y a quasiment de moins en moins d'humains et c'est un titre moi que j'ai trouvé que j'ai beaucoup aimé. Alors il y a beaucoup de choses que je sais que j'ai pas encore compris, il y a beaucoup de choses qui je pense de toute façon il n'y aura pas d'autres trucs à dire dessus parce que c'est juste de l'interprétation et c'est juste une façon d'être une forme de il y a des questions et des fois on sait pas et on est un peu dans le même état que Kelly dans le titre, c'est à dire que bon bah on est un peu porté par les événements et on perd le chemin et puis de toute façon il y a un moment on doit se concentrer sur d'autres choses quoi. Et c'est quelque chose qu'on ressent complètement. C'est-à-dire que on termine un tome, on se dit bon bah ok, soit, mais voilà quoi. Mais par contre, il y a un côté où j'ai pris vachement de kiff à le lire, parce que alors de un, graphiquement, c'est super beau. Je trouve ça vraiment classe. Les dessins en termes d'architecture, de mise en page sur la structure, les niveaux, etc., je trouve que c'est magnifique. Même si les visages sont pas bons, il y a un côté character design qui est excellent. C'est-à-dire que je trouve que tous les personnages mis en avant sont vraiment, il y a vraiment un côté qui très charismatique qui se dégage d'eux, et on est dans des personnages qui sont on ressent tout de suite qu'il y a une histoire derrière, et on n'est pas dans les clichés de beaucoup de personnages comment dire. Dans les dessins, on n'est pas forcément dans les clichés des mangas qu'on avait beaucoup au début des années 2000. Et ça fait aussi du bien. Mais il y a que les visages qui sont peut-être un peu plus spéciaux. Et qui sont très simplistes finalement par rapport à tout ce qu'il est capable de faire en termes d'architecture. Mais ouais, les dessins, moi je trouve que c'est juste fou. Ça rentre dans les plus beaux mangas que j'ai pu lire. Quoi. C'est vraiment, il y a vraiment un truc. Enivrant, je trouve, dans tout ce qu'il dessine. Il y a très peu de texte, il y a très peu de dialogue, il y a très peu d'échanges, mais en même temps, c'est justement ce côté-là. C'est-à-dire que, comme je disais, on est porté par ce qu'il y fait, et le mec, il est tout aussi perdu que nous, et c'est aussi ça qui fait qu'on est dans l'histoire avec le protagoniste, quoi. Mais non, c'est un manga que franchement j'ai kiffé quoi, j'ai adoré. J'ai pas tout compris. Je pense qu'il y a un bon quart du titre que j'ai pas compris, mais ça me gêne pas quoi. J'ai quand même pris plaisir. Eh bien merci. Alcor, vous l'avez lu ? Moi non. Pas mieux. Eh bien moi je l'ai lu. Et j'attendais que tu le lises, hein, ce manga, bordel. Parce que j'ai pas compris grand-chose non plus, clairement. Excusez-moi qui suis con, bon, ça me rassure un peu quand même. Et ouais, mais comme tu dis, en fait, l'auteur était architecte, je crois. D'où, je crois, hein, de ce que j'ai entendu, d'où son talent pour dessiner les bâtiments. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est... C'est ouf, c'est contemplatif en fait comme truc. La démesure de la structure, tu retrouves aussi la démesure du temps. Genre qu'à un moment il prend un ascenseur et c'est écrit 1 million de secondes plus tard, tu vois. Mais genre 1 million de secondes, ça représente combien d'années, dizaines d'années, tu vois, c'est et donc ouais, du coup tu te retrouves un peu perdu en fait dans et ben dans le temps et dans l'espace, parce que t'as des à un moment et des fois t'as des bribes d'infos sur la structure, la taille du truc, c'est énorme, c'est énorme. Et oui, c'est vrai ce que je dis aussi pour le niveau des visages, mais je trouve que les visages, ça colle avec tout le reste, en fait, c'est vrai. Ça m'a pas choqué. C'est moi bon, ou il y a un petit style un peu gun? Pour les visages? Bah, je sais pas, les corps robotiques, les trucs comme ça, je trouve qu'il y a une petite. Enfin, Ouais, steampunk. il y a un peu. Oui, Ouais. il y a ce côté-là. Il y a cette référence un peu des. Ouais, c'est un titre déjà un peu post-apo, etc. Ouais. Il y a beaucoup de cet aspect corps robotique un peu comme Gun. Par contre, Gun, pour moi, a des visages beaucoup plus qui sont beaucoup plus dans l'expression. Et beaucoup plus du coup dans la transmission d'émotions, etc. Alors que Blame, les personnages ont des visages très, on va dire, très, putain, très fades, dans le sens, ils sont très fermés, quoi. Il y a rien qui transparaît dessus, quoi. Au pire, il y a un peu d'étonnement, des fois, mais c'est tout. Gunn est beaucoup plus expressif. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas tout compris non plus, hein, parce que comme tu dis, bon, en fait, on nous largue là. Ça commence à un endroit de la méga structure. Et bah, tu dois en fait tout découvrir en même temps que le personnage principal. Mais Et il y a ouais. une vidéo de. Il y a une. Comment dire? Il y a une. Il L236. y a une. Ouais, de L236. Oh, elle doit faire 45 minutes, un truc comme ça. Qui est passionnante sur l'aspect. Bah, du coup, sur l'aspect graphique, hein, comme il fait à chaque fois. Sur les images, etc. Mais j'ai l'impression que de toute façon, personne n'a un peu. Personne n'a tout compris, je crois. Oui, bah, C'est ouais. le but, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. C'est pas enfin, comment dire, c'est pas une œuvre qui se veut à répondre des questions ou mettre un fil rouge qui tient en haleine ou quoi que ce soit. Non, c'est un périple en fait. C'est vraiment un périple avec le mec et c'est un peu Tu comme suis le si truc ouais. ouais, avec et puis. Ouais, Mais mais c'est clairement, si vous êtes pas, si vous aimez pas les titres où il faut se poser des questions, où le travail est pas mâché, on va dire, et si vous aimez pas les titres où vous allez pas tout comprendre, clairement, lisez pas Blame. Faites pas. oui, non, c'est Mais clair. on n'allait pas le lire, t'inquiète pas. Voilà. Non mais Et par contre, c'est sorti en ouais. six, du coup, en six volumes, un peu ce qu'ils appellent Deluxe chez. Comment dire, chez Glénat. Et la qualité est vraiment folle. Et le fait d'être en plus en grand format, ça rend vraiment hommage au dessin des structures, etc. Je trouve que c'est une superbe édition. Puis le titre a vraiment marché. Ils ont sorti en plus tous les titres rapidement et ça a plutôt cartonné. Et je trouve que c'est mérité parce que l'édition est vraiment top. Et bien, très bien. Donc, on va passer à la dernière Geekry. Et c'est toi, Alcor, qui va nous parler de Hunter x Hunter. Blasphème, on dit Hunter Hunter. Ah non, moi je Non, dis Hunter x Hunter. en vrai, je sais pas, tu vois. Ouais, mais en fait, il y a les deux. On peut dire les deux, je crois. Ouais, pourquoi il a mis un X? Je ne sais pas. Bah du coup, bah bref historique sur comment j'ai découvert la série. Est-ce que c'est donc tu nous parlais de l'animé de 2011? Ouais, que je n'ai pas lu le manga. C'est un des rares, mangas que je n'ai pas lu. Que moi, je suis plus lecteur que viewer. J'allais dire regardeur, mais c'était un peu bizarre. et en fait, du coup, en fait, j'avais vu un petit peu Hunter Hunter, donc quand ça passait sur NT1, si je dis pas de bêtises, c'était là où il y avait un petit peu les mangas. En fait, j'ai pas adhéré tout de suite parce qu'en fait, le premier épisode, je voyais Gon, donc c'est le garçon qu'on voit à droite, celui avec son short. Et en Que fait, tu le premier incarnes truc. tellement bien sur la miniature, je tiens quand même à le dire. C'est ça, j'ai une vraie tête de vainqueur. Et en fait, du coup, bah moi, la première fois que j'ai regardé ça, en fait, j'ai vu juste Gon qui devait cuisiner. Et il disait, ah, moi, le seul truc que je sais cuisiner, c'est du riz avec un œuf dessus. J'ai fait, ok, Gon, je sais pas ce que t'es, tu vois. Et ensuite, j'ai jamais voulu lire ou regarder à cause du charisme du personnage principal, parce que il donne pas envie, à vrai dire. J'ai eu la même chose avec One Piece, donc avec Luffy qui était en short chemise, genre en quoi le personnage est attrayant, quoi. Et donc du coup, suite à de nombreux spams d'un de mes potes qui avait comme pseudo Mizura d'ailleurs, j'ai regardé la série. Et donc du coup, elle faisait partie de ma morning routine. D'ailleurs, c'est la première série de ma morning routine que j'ai regardée. Donc du coup, le scénario, du coup, on suit Gunfricks, donc c'est le petit bonhomme à droite de l'écran, qui veut chercher son père, parce que en fait, son père l'a abandonné quand il était petit. Donc du coup, il souhaite devenir Hunter, pour faire un peu comme lui, parce que pour lui, si on doit abandonner son enfant, c'est quand même qu'être un hunter, c'est quelque chose, en fait. Donc le truc de base, donc du coup, d'Hunter Hunter, c'est donc du coup Gun qui cherche à devenir Hunter. Donc du coup, il va rencontrer Léolio, Kurapika et Killua. Donc ce sont les ça va être ses camarades pendant une partie de l'aventure. Et donc du coup, le premier arc de l'animé, c'est tout de suite un tournoi et enfin un examen du coup. Et le manga est très original, en fait, en fonction des épreuves. La première épreuve, ils doivent courir plus de 40 km avec des monstres et tout. Donc je m'attendais juste à du combat, mais c'était pas le cas. À ce qui me semble, pour la seconde épreuve, c'était il fallait cuisiner quelque chose. Pour la troisième, c'était un jeu en coopération d'équipe. Donc avec quelqu'un qui en plus et qui fait exprès de faire perdre les gens. Et à ce qui me semble, pour la dernière partie de cet arc, justement, c'est un tournoi, sauf que c'est pas un seul gagnant de toute la promotion. En fait, il n'y a qu'un seul perdant. C'est un tournoi construit à l'envers. C'est que si tu perds, tu redescends dans le tableau et tu as encore une chance de vaincre les participants. C'est une série que j'appréhendais beaucoup parce que à cause du charisme du personnage, mais j'ai tout de suite adhéré pour pas forcément pour le personnage principal, mais plus par rapport à l'originalité du manga. On pourrait penser que c'est un shonen plutôt basique, sauf que à mon sens, c'est un petit peu un anti-shonen. Ça reprend les codes et ça les brise. Pour donner un exemple, le héros ne gagne pratiquement jamais. Il se fait souvent latter par ses adversaires qui sont beaucoup plus forts que lui. Et si Gon gagne, c'est qu'il y a une raison. C'est pas une histoire que Gon est faible. C'est juste que il vient de commencer son aventure. D'autres personnes sont plus expérimentées. Donc du coup, il s'entraîne au fil du temps. Et tous les entraînements qu'il y a au sein de Hunter x Hunter sont intéressants et montrent un petit peu comment fonctionnent les personnalités de chacun. Parce qu'en fait, chaque pouvoir. Donc avec le Nen. Donc là où en fait un One Piece ou un Naruto, c'est juste j'ai les techniques grâce à un fruit ou j'ai ça dans le sang. En fait, les techniques avec le Nen, donc c'est un peu l'énergie, le Un peu ki, le le ki dans chakra et Dragon tout, Ball. sont basées suivant la personnalité de l'utilisateur, en fait. En fait, tu choisis ton pouvoir, en fait. Donc par exemple, Gon a une. Est plutôt simple, donc du coup il va avoir cette technique de pierre papier ciseaux, par exemple. Son alcoolyte Killua, qui se faisait torturer quand il était jeune vu qu'il vient d'une famille d'assassins, il a un lien avec l'électricité, donc du coup il maîtrise cette technique. Et ce que j'ai bien aimé avec Hunter x Hunter, c'est qu'en fait les arcs sont tous très différents. On change souvent de protagoniste au sein d'un arc, et on peut passer donc du coup à une enquête sur la Brigade Fantôme, donc un groupe d'assassins et de mercenaires, à une grosse quête, à une aventure dans un jeu vidéo, donc carrément dans un jeu vidéo, ou à une invasion d'une nouvelle race qui s'appelle les fourmis chimères. L'animation est excellente, les musiques sont super cool. Donc du coup, je remercie Thibaut de m'avoir fait découvrir la série, parce que franchement, j'avais beaucoup d'a priori dessus, je voulais pas trop me lancer, encore à cause du bonhomme en short, quoi. Parce que pour moi, si t'as pas de charisme, ça me donne pas envie, quoi. Et en vrai, je suis presque, j'ai même presque regretté. Et en sortant d'Hunter Hunter, j'ai eu un vide à combler. Donc du coup, j'ai essayé de regarder pas mal d'animés qui n'ont pas réussi à combler ce vide. J'ai regardé Castlevania et tout. Et là, j'arrive presque au point où j'ai envie de me refaire Hunter Hunter alors que je l'ai maté en septembre, quoi. Ah ouais, donc ça t'a vraiment plu quoi. Pas Ah vraiment, ouais. ça, ah, fr franchement c'est cool. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le manga. Enfin, intéressant. En fait, on ne sait pas vraiment si tel ou tel personnage est vraiment si fort que ça ou pas, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'affrontements, mais beaucoup de personnages se retiennent, en fait. Après, il y a pas mal de trucs intéressants, surtout le dernier arc avec les fourmis chimères, Parce où ça que pose. l'animé s'arrête au tome 32, donc à la fin de l'arc avec les chimères. C'est ça. Non, il y a l'élection après. Ah, dans l'animé, tu le vois, ça? D'accord. Et du coup, après, j'ai tenté de me lire les scans. Je sais que c'est pas bien, mais j'allais pas commencer à acheter le tome 32 ou à acheter tous les tomes d'un coup, sachant que j'avais déjà vu la série. Je suis Je pas te très fan dénonce du. immédiatement aux autorités. Je ne veux pas le savoir. Aux autorités compétentes. C'est terrible. Hein. J'ai essayé de lire la suite, sauf que le souci que j'ai avec Hunter Hunter, c'est que. Bah, la fin de l'animé fonctionne en tant que fin, en fait. Après, j'ai pas eu spécialement envie de continuer, sachant que le style graphique était différent. Et vu qu'on suit plus les personnages principaux qu'on avait vraiment, donc Gon et Kuroa dans le manga. Donc je spoil pas, mais bon, il n'y a pas de truc très important qui spoil, mais. J'ai préféré m'arrêter là et rester plutôt dans un bon souvenir. Et je pense que le fait d'avoir découvert l'animé quand tout était fini, donc quand je me suis enchaîné le tout, ça a fait que j'en étais pas ressorti frustré comme les lecteurs Ouais. qui attendent encore des chapitres et tout, quoi. Moi, je me suis arrêté au tome 25, 26, un truc comme ça. Et bah, faudrait que je reprenne, mais bon, quand t'as un tome tous les 3 ans, c'est pas évident de suivre le truc, quoi. En fait, là où on a vraiment on a commencé à avoir un gros décalage en manga, c'est pendant l'arc des fourmis. Là, on a commencé vraiment à avoir un tome tous les 3 ans, à peu près, 4 ans. Donc, là, ça devient compliqué quand même. Putain, c'est le bordel là. Bah, en fait, j'accumule les tomes, mais il faudrait que je me relise tout parce que tu peux pas lire un tome tous les 4 ans, c'est pas possible, quoi. Il y a même une charte sur internet qui représente tous les hiatus, donc quand l'auteur s'est arrêté. Et là, ça doit Ah faire oui. 3-4 ans, mais après, moi, je suis pas. Je comprends un peu la frustration des fans. Après, ça reste. Ça appartient. L'œuvre appartient à son auteur. On ne sait pas s'il a vraiment des problèmes de santé ou s'il en a rien à foutre. C'est ouvert aux suppositions. Moi, mais il y a pas mal de théories, mais après, vu Bon. comment il a fait son manga, je pense pas qu'il en a vraiment rien à foutre, quoi. Je pense pas non plus. Après, Parce que. j'avais lu le manga de l'ancien manga de l'auteur, donc Yu Yu Hakusho. Ah, J'ai failli rater mon bac à cause de ça. c'est Non, mais en gros, manga j'étais à qui va la. ressortir, qui va être réédité en France d'ailleurs. Non, mais en vrai, les gars, j'étais. C'était mon bac et j'étais tellement fan de Yu Yu Hakusho, Parasite et tout que j'allais à la médiathèque pour les lire au lieu de travailler, quoi. Dangereux les médiathèques. Ouais, c'est terrible. Mais c'est vrai que Yu Hakusho, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Là, je suis en train de tous me les relire. Hein. Ouais, c'est vraiment drôle. Mais. Et par contre, c'est l'animé de 2011, du coup, d'Hunter x Hunter, qui a vraiment populariser le truc en France. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Hunter x Hunter grâce à cet animé, en fait. Il y a beaucoup de mèmes là-dessus d'ailleurs. Sur Hunter x Hunter? Ouais. Ah, Il y je a ne sais pas. un moment, il y a le vieux Netero qui dit c'est une technique que seuls peuvent connaître ceux qui viennent d'issus des ceux qui sont issus de les ténèbres ou Tagon à un moment qui dit je ne veux pas détruire cet endroit. Donc un mème qui est souvent utilisé quand on va dans les toilettes d'un de ses potes. Ouais, c'est pas très subtil, mais. Mais en vrai, les gens qui ont regardé Hunter Hunter, en général, ils apprécient l'œuvre, quoi. Ouais, c'est vrai que Et les gros casseurs de chiottes aussi, ils apprécient beaucoup ces mèmes. Parce qu'il y avait eu l'ancien animé qui avait été sorti fin des années 90, début des années 2000, qui avait été complété par des OAV, plusieurs OAV. Monsieur, elle n'avait pas hyper bien marché. Par contre, ouais, quand ils sont revenus avec celui en 2011, ouais, là, ça a vraiment eu beaucoup de succès, quoi. Et c'était l'animation de l'ancien animé était bizarre aussi, ça fait vraiment dark. Alors Oui, que là, c'est bah, vrai. la série, il y a pas mal de couleurs et tout. Bon, même si le dernier arc, il est beaucoup plus sombre et beaucoup plus violent, bah tu t'as une ambiance et tout. Et franchement, je trouve que les musiques, elles sont très réussies dans l'animé, quoi. Et G. Edramout, vous avez déjà lu ou vu Hunter x Hunter? Nope. Ah, je me suis fait souvent alpaguer par un collègue de boulot qui me demande très souvent en fait de lire Hunter machin machin. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé les animés, j'ai essayé les Ah ouais, mangas et t'es pas rentré dedans. je suis arrivé jusqu'à après l'examen. Quand ils vont chercher le mec là, avec les cheveux blancs là, dans sa famille de tarés. Comment il s'appelle? C'est Kurapika, c'est ça? Kiroa. Kirua, Kiroa, c'est bien Kurapika, aussi. c'est... On lui en veut pas. Ouais. et non, je ne comprends pas en fait où ça va. J'ai, enfin, tu vois, on est déjà à pas mal d'épisodes, pas mal de tomes. Et les Hunters, bah, tu comprends pas bien toujours ce que c'est. Tu vois qu'il y en a qui ont des spécialités pour faire de la bouffe. Enfin, mais je comprends pas l'univers en fait. Et du coup, et ben, je suis pas du tout rentré dedans. Et j'ai très très vite lâché l'affaire. Et d'ailleurs, Désolé. cette spécialité là que tu dis, les hunters qui font de la bouffe, ben, l'auteur avait un pote qui lui a. Alors, on ne sait pas trop s'il lui a piqué l'idée ou s'il lui a demandé s'il pouvait développer cette idée. Et ça a donné le manga Toriko, en fait. Toriko qui. Ben, en fait, c'est des sortes de hunters. En fait, c'est dans un monde où tout tourne autour de la bouffe. Et où il y a des sortes ben, de hunters. Qui chasse des monstres pour les bouffer en fait. Et en gros, c'est à celui qui fera le meilleur plat. En fait, c'est une sorte de top chef, mais en manga. Avec de la baston. Et avec de la baston. Et ouais, ça a eu un gros, gros, gros, gros succès au Japon, tellement que enfin, tu avais des sortes de tournois entre Goku, Luffy et le héros de Toriko, je sais plus comment il s'appelle. Et donc, voilà. C'était la D'ailleurs, petite anecdote. à la fin bah enfin au début de l'arc Nouveau Monde d'Hunter Hunter, il y a une référence justement à Toriko, avec qu'on voit que y a des monstres qui sont beaucoup plus grands que des continents et tout, que c'est Ouais, c'est des trucs de fou, c'est complètement démesuré. Le mec il se met des patates, t'as le monstre, il fait le tour de la planète. Enfin, c'est n'importe quoi, mais dans le bon sens. Mais ça, faut vraiment que je me le fasse aussi, Toriko. Apparemment, c'est sorti aussi en VF. Hein. Donc, ouais, mais c'est vrai que bon, c'est pas Allez, si connu que ça. Hein. en parlant de la VF, bah, j'ai regardé Hunter Hunter en VF en fait. C'était plus simple vu que bah, le matin en mangeant des cornflakes, je voulais entendre des trucs en français quoi. C'était plus simple pour manger. Que lire sur les sous-titres. Ouais, c'est ça. Mais la VF est vraiment réussie quoi. Eh bien, très bien. Bah, du coup, on a fini les geekeries. Et donc, on va passer aux questions. Donc, Alcor, première question. Quelle a été ta première approche avec les comics? Alors, ma toute première approche avec les comics, alors c'était il y a très très très longtemps en fait. Bah, j'étais avec mon père et mon frère, j'imagine. On est allé à Albom. Donc, en fait, mon père travaille toujours à Paris. Donc, du coup, c'est la première boutique où je suis allé en comics. Et bah, vu que moi j'aime bien Spider-Man grâce au film. J'ai acheté des comics bah, Spider-Man du coup. Pendant que mon frère avait acheté du Hulk, vu que bah, Hulk Ah. c'est cool aussi. Bon, alors on invite ton frère la prochaine fois, donc. Non, mais du coup j'ai eu des comics Spider-Man. J'ai pas tout compris. En fait, Ça c'était le commencerait à quel moment, du coup? au prélude avec Civil War du coup. D'accord. Donc c'était la première fois en kiosque qu'il y avait l'Iron Spider. Donc du coup j'avais eu ça, c'était sympa. Après il y avait une autre, j'avais acheté un autre comics où il y avait une histoire avec le lézard et le fils du lézard. Enfin c'était un Ah peu ouais. bizarre. Et pour mon frère, on lui a, bah du coup mon père lui avait acheté un comics Hulk en kiosque, quoi. Et en fait c'était le prélude à Planète Hulk. Donc c'est le comics où en fait il se fait piéger lorsqu'il va dans l'espace en fait. Par les Ça c'est cool. Illuminati. Ouais, c'est. Bah même pas en plus, c'est ça le pire. Oui. Par Nick Fury, c'est ça le pire. Bah, souvent je parle un peu des Illuminati de Hulk et en vrai il y a aussi Fury qui l'a piégé quoi. Bon, ça va, t'es tombé dans une bonne période pour commencer. Mais justement, j'ai pas vraiment commencé. Ça, c'était ma première approche, tu C'est vraiment après. Ah, t'as pas vraiment continué à ce moment-là. Donc. vois. Ouais, en fait, j'ai continué un peu plus tard. Je devais être en troisième, donc ça doit faire 10 ans. J'avais acheté des comics Wolverine quand ça existait encore en kiosque. C'était très violent. C'était un peu la période Romulus avec Daken et avec. Bah avec Daken. Il y avait une autre histoire où en fait t'as un shérif d'une ville qui tuait des nouveaux venus en faisant un accident de la route et la fin, t'as Wolverine qui découpe le mec quoi, il lui plante ses griffes d'un coup. Je me suis dit oula, qu'est-ce que je viens de lire? Du bon Ah oui, Wolverine. et il y avait un truc X-Force où en fait je comprenais pas pourquoi il y avait des têtes décapitées et tout, donc là j'ai connu le Wolverine violent quoi. Pour moi c'était les films, tu vois. Mais c'est un an. C'est un peu plus tard quand même, donc toujours la même année. Et du coup, en fait, j'ai commencé à lire les DC Renaissance, donc les New 52 en anglais, donc avec les Batman Saga et les Justice League Saga, donc mes premiers comics sur Batman. Bah, c'était le début des New 52 avec la cour des hiboux, il y avait la Justice League avec Geoff Johns et Stan Lee. Après, il y avait les histoires un peu Bad Girl, où je trouvais que c'était pas mal. Il y avait Batman et Robin, enfin pas mal de trucs. J'ai acheté aussi Green Lantern Saga, donc c'était les débuts en kiosque d'Urban. Et il y a un personnage que j'aimais beaucoup grâce au film, et grâce aux jeux vidéo notamment. C'était Venom, et j'ai acheté le Spider-Univers numéro 1. En fait, c'est le début d'Agent Venom, en fait. Tu vois, sur la couverture, tu vois, je voyais un Spider-Man, mais tu vois un peu la pose classique de Spider-Man, mais tu vois, avec une mitraillette, tout en noir et tout. Je me suis dit, oh là, c'est trop cool, tu vois. Et sinon, ce comics sentait très fort la peinture, tu C'était quel Non. personnage? J'ai pas entendu. Agent Venom. Flash Thompson. Venom ou Venom? Venom. J'ai entendu un petit Venom hein, quand même la première fois, hein. Mais bon. Je dirais rien, je dirais rien. Ça passe. Alors moi, j'ai entendu Venom. Nom. Ah non, non, le chat est unanime. Hein. Il y avait un Ah, petit c'est Venom. Venom. Ah, il y Ah avait un merde. petit Venom. Désolé, Alcor. Ça se prononce comment du coup? Venom. On va demander à Vanessa. On va demander à Parce que Vanessa moi je maintenant. dis Venom. Venom, ouais. Ah Non. d'accord, faut pas le dire comme ça. Bah, c'est loupé vu que dans mes vidéos sur les symbiotes, t'as. Mais du coup, voilà, j'ai commencé les comics avec ça. D'accord, très bien. Deuxième question. Alors, ton scénariste et ton dessinateur préféré? Scénariste préféré, je dirais Jeff Lemire, ou Lemire, enfin je sais pas comment on le dit, tu vois, après Venom et tout. Lemire, parce qu'il est canadien, apparemment. Comment on dit Lemire? Je l'ai découvert avec Green Arrow New 52. Donc, j'avais pas compris toute l'histoire parce qu'en fait, ça arrivait en. Bah, ça, le run de l'émir ne commence pas au numéro 1 pour Green Arrow. Mais je l'ai connu plus tard avec Bloodshot Reborn. Autant l'intégrale Bloodshot, je la trouve pas exceptionnelle. Tu vois, c'est marrant, c'est bourrin et tout. Mais Jeff Lemire, il a vraiment emporté un truc. À Bloodshot. Franchement, c'est rare que je m'enchaîne des tomes de comics aussi vite, quoi. Enfin, D'accord. donc ça, Et c'est pour. ces récits indépendants, tu les as lus, Lemire ou... Pas du tout. Ah, je te le conseille. Des petites pépites. Et avec ce timbre de voix là, je te les conseille. Oh oui. Tu vas beaucoup t'amuser. Après, en dessinateur. Ouais, c'est un peu plus compliqué le dessinateur quand même. J'aimais beaucoup ce que faisait Capullo dans les Batman New 52. Même si je trouve que récemment, c'était. Enfin, ce qu'il fait sur Death Metal, je trouve pas ça très incroyable, quoi. Mais à part ça, bah, le classique Jim Lee, on va dire. Oui, valeur sûre. Alors, j'ai commencé avec ça et, un de mes tomes de Batman préféré, c'est Silence. Mais j'aime beaucoup. Ah, c'est con, j'avais interviewé en plus. Ah, Liberméo, tu vois. Ah, oui. Liberméo, ouais, je l'ai découvert avec Batman Noël, que je trouve. D'un point de vue scénario, c'est un peu spécial vu que ça reprend un conte de Noël, mais au niveau dessin, c'est sublime. Je suis pas ultra fan de ce qu'il a fait sur Luthor et sur Joker parce que en fait son style a évolué. Mais même si j'aime pas beaucoup Batman Damned, je sais pas comment dire. c'est encore pire, c'est horrible. On me reprend tout le temps avec l'anglais. Oh là là. Fallait pas aller à la médiathèque tout le temps pendant le bac, c'est tout. C'est voilà. Et le cours d'anglais. Et du coup, bah, je trouve que ce qu'il fait est sublime. Puis vu que j'ai réussi à avoir une interview avec lui et que j'ai fait une vidéo dédiée sur ça, je pense que ça joue un peu beaucoup sur ma vision. Bah, disons que Bermero, il se met toujours avec Azzarello. Azzarello, l'histoire d'ici. Ouais, souvent. C'est pas ça. Hein. Il a eu mal dernièrement avec le Black Label. Bah ouais, son Joker, pareil, j'ai pas beaucoup aimé. Son Batman Dame, j'ai trouvé ça nul. Ouais, je comprends pas trop. Ouais, c'est ce qu'il veut faire. Ensuite, troisième question, la scène qui t'a le plus marqué dans un comics ? La scène qui m'a... Ouh, bonne question. Ah, c'est technique, ça. On peut demander à AG, je pense que ça va être sur Hulk. Ah, en vrai... Même pas. Même pas ? Je dirais... Je dirais peut-être... Le retour de Mary Jane dans le run de Straczynski. Le retour de Mary Jane. Ah, en gros, oui. En gros, pour faire bref, Peter et Mary Jane ne se voient plus, ils sont plus trop en couple, mais ils sont quand même mariés. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, j'ai relu la série il y a pas mal de temps et j'aime beaucoup le couple Mary Jane et Peter, vu que moi j'aimais bien les voir mariés, si tu veux. Oui. Je fais partie peut-être des gens, tu vois, qui aiment bien voir les héros un peu heureux quand même, tu vois. J'aime bien quand ils ont une copine, en fait. Ouais, toujours les voir se morfondre. Non, mais tu vois, c'est un personnage récurrent et j'aimais bien la dynamique Mary Jane et Peter, sachant que bah, j'ai commencé par lire un peu de Straczynski quand j'étais plus jeune. Du coup, pour moi, ils étaient mariés, ils étaient heureux. C'était un peu la merde de temps en temps, mais tu vois, ça va, quoi. Dans le run de Straczynski, du coup, bah, Peter et Mary Jane n'arrivent pas à se croiser parce qu'elle a un job d'actrice à Las Vegas et bah, lui, en tant que Spider-Man, puis les profs et tout, les profs et tout, ils ont du mal à choper. Et j'aime beaucoup les voir leur retrouvaille où je trouve la scène très émouvante, en fait. C'est vrai que ouais, c'est la suite logique, en fait. Enfin, le one more day et d'annuler leur mariage, c'est comme une belle connerie, ça. Bah, après, dans les comics récents sur Spider-Man j'ai oublié qui le faisait là. C'était le dessinateur d'Invincible qui faisait le truc, qui dessinait. C'est Nick Spencer et Ryan Otley. Enfin, Ryan Otley, il est pas ouais. Sûr. Ouais, par Nick Spencer, ils sont sans doute en voie d'annuler le One More Day, quoi. Oui, bah, il se remet avec Mary Jane au final, mais bon, on a perdu du temps entre temps. Ouais, je sais pas si t'es allé loin vu que bah, je lis pas mal en VO. Je suis au numéro 40, un truc comme ça, je crois. Ouais, je suis dans les derniers, il y a beaucoup trop de références à One More Day en fait. Ouais, c'est vrai que c'est, enfin, la suite logique, ça aurait été ben, un enfant ou quelque chose, puis. One More Day, d'annuler le mariage. Ils n'ont pas fait qu'annuler le mariage, ils ont carrément annulé sa vie en fait à Peter. Parce que la suite de One More Day, c'est qu'il retourne chez Tante May et puis il redevient fauché et photographe freelance, quoi. Donc, le mec revient à la case départ. C'est ouais. Ah, c'est terrible. C'est ouais, c'est assez moche. Ouais. Mais sinon d'ailleurs en autre scène qui m'a marqué, je dirais peut-être le comics en général par Miller. J'ai plus le terme, j'ai plus le c'est pas son c'est pas le début de son run, c'est quand il avait fait une pause, il avait repris. C'est la descente aux enfers avec quand Daredevil Born again? Ouais, Born Again. Et c'est Là, quelle scène du coup? toute sa dé... ben, Ah les oui, scènes où vraiment il quand. Ouais, est... d'accord. Toutes les scènes où il est dans son lit, en fait. Ouais. Parce que à chaque début de tome, ben, tu vois que Matt surpose. Sauf que plus le comics continue, plus il a un lit moins bien. Et le voir en si piteux état, c'est chaud, quoi. Sinon, une autre scène qui m'a marqué en vrai, je dirais la mort de Peter dans l'univers Ultimate, quoi. Ah Je me suis dit, oh putain, Peter, il est mort. C'est... Tu vois, non, mais je faisais pas encore la distinction entre l'univers principal et l'univers 616, tu vois. ouais. Tu vois, pour moi, je disais, oh putain, Thor, toute la famille de Thor, elle est morte. Oh là là, il se passe quoi et tout. Et du coup, bah, je disais, ah, oh, il y a un nouveau Spider-Man et tout. Bah, j'ai. Bah, le personnage, bah, j'ai lu ses premières apparitions en. Enfin, j'ai peut-être pas lu sa première apparition en VF, mais j'ai lu le début du run de Bendis sur le personnage, quoi. Et Le ce serait personnage bien que j'aime beaucoup. qu'il le réédite bien en VF. Parce que les gens le réclament à cor et à cri, ça, et au final, y a plein de Deluxe qui sont en rupture de stock, et puis ce serait bien qu'il Ah, refasse une bonne réédition un jour. là, ils le font en Marvel Next Gen Mais c'est pas pour les l'Ultimate, ados. ça. Ouais, voilà. Si, si. Non, mais j'ai le. La, quoi de Bendis? Si, c'est l'Ultimate. Mais il compte pas tout refaire le run de Bendis, je pense pas. Non, Non, mais c'est il juste avait. un tome, je crois. Hein. Non, mais C'est un tome. Hein. ça c'est pour le must-have, mais pour le Next Gen, je crois que c'est tous les tomes. Ah ouais? Je crois, je vais regarder. Ouais, j'ai entendu des rumeurs comme quoi, apparemment, pour 2021, il lancerait une collection où il y aurait. Pour rééditer vraiment le run de Bendis sur Ultimate Spider-Man. Ah, il n'y a Mais peut-être pas. Je sais pas si c'est un tome qui se suffit ou si c'est le tout juste le premier arc. je pense que c'est le premier, hein. Ouais. Parce que bah au final, ils ont même pas fini la série en deluxe et ils ont fini avec le gros omnibus, la mort de Peter Parker, quoi, Ah, pour j'aime pas. clôturer J'aime la vraiment série. pas. J'aime vraiment pas lire les omnibus en plus. Trop gros, c'est lourd. Ah bah là le prochain Et il va être bon là, 4,12 kg là, T-Rex. ouais, Jules va avoir du mal, lui qui aime pas aussi les gros volumes. Et donc on va passer à la quatrième question. Ton scénariste et ton dessinateur du coup que tu n'aimes pas. En vrai, scénariste. Ah, j'irais peut-être Dan Slott. C'est vrai que ces derniers temps, Dan Slott. Ah, sacré connard. Pardon. Bah non, mais tu vois, j'avais lu Supérieur Spider-Man, tu vois, j'avais bien aimé certains trucs de son run, tu vois. Il a fait Spider-Verse. Bon, l'idée est simple, mais je trouve ça. Ouais, je Efficace, trouve ouais. ça. Je trouve ça drôle. Et après, pour le reste de Dan Slott, bof. Sinon, ouais, tu vas peut-être dire que je suis pas trop original, mais Scott Snyder, horrible en ce moment. Ça, c'est mon gars sûr, ça. Voilà. Sur quoi horrible? Non, mais franchement, c'est dur quand tu lis La Cour des Hiboux, tu vois, t'as un mystère, le comics, il est trop bien et tout, tu vois, tu découvres le truc. Mmh. Et là, t'as. Tu vois, je vais pas dire que. Tu vois, c'est urbain, c'est cool, tu vois. Et là, il fait un truc, mais what the fuck sur. Sur Batman avec les terres parallèles, tu vois, tout tourne autour de Batman et il y a un truc que j'aimais bien, tu vois, au début quand je lisais du Batman, c'est qu'on disait oh Batman, tu vois, il est fort quoi, parce que moi au début je disais ouais, il est humain, je veux qu'il soit fort, mais je veux pas qu'il soit fort comme ça quoi. Bah, disons que c'est vrai que par moments c'est un peu abusé quoi, quand... mais tu vois, tout tourne autour de Batman, la Justice League, c'est j'ai trouvé ça compliqué et tout, enfin. Ah, Scott Snyder, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui et je me force à lire ce qu'il fait dernièrement, notamment avec Death Metal et tout. Mais c'est compliqué, c'est chiant, c'est lourd. Ah, le mec, il a voulu se faire. Non, mais le mec, il a lu Judge Dredd, il a vu Judge Death, il s'est dit, oh, trop bien, lui, je vais le faire en Batman. Et ça... non, mais ça y est, c'est parti, quoi. Autant, tu vois, j'avais fait une vidéo sur le Batman Kiri. Je trouvais ça plutôt marrant, tu vois. Sauf que overdose, quoi. J'ai sera de ton avis, mais moi j'aime beaucoup Scott Snyder et ce qu'il fait. Mais après ça c'est les goûts et les couleurs, mais sans déconner. Snyder, c'est vraiment compliqué. Et en dessinateur que j'aime pas, je dirais Frank Miller. Moi. Frank Miller maintenant, ouais. Je dirais même pas par rapport à ce qu'il a fait dernièrement, mais Dark Knight Returns. Non mais Daredevil, tu vois, je trouve que ça passe, tu vois. Mais Dark Knight Returns, j'ai beaucoup de mal. Franchement, j'ai. C'est un style. J'ai beaucoup de mal. Moi je suis plus d'avis d'avoir un mix entre le scénario et le dessin en bonne qualité, mais pour moi je ne peux pas, même si on me dit ouais c'est trop bien, ça a révolutionné Batman et tout, je trouve ça pas très beau, du coup je me force à lire, c'est un peu compliqué quoi. Moi je suis pas de l'avis de tu t'en fous du style graphique, il y a peut-être une bonne histoire derrière. J'ai du mal avec les dessins de Frank Miller quoi. Et par contre, Laura TV a raison sur Born Again, c'est Romita Junior. Il a pas dessiné Miller. Non, je parlais pas de Born Again pour spécialement pour les dessins de Miller. Je parlais de son run quand il était du coup avec Elektra et tout en fait. D'accord. Ouais, mais c'est vrai que Miller, moi j'aime bien, mais c'est vrai que bon, ces derniers temps c'est catastrophique. Hein. Tu vois son Dark Knight 3 là, wow, les seules planches qu'il a dessinées, mon dieu, il aurait pas dû. Tu vois, donc pour moi, faut que le dessin y suive quand même. Et ben, c'est vrai que c'est aussi un média visuel, donc il ne peut pas avoir qu'une bonne histoire. Cinquième question donc, quelle est la partie que tu préfères dans la création de tes vidéos ? La monétisation, putain, désolé, je t'ai obligé. L'argent. Non, en vrai, il y aurait plutôt deux parties. Il y aurait peut-être la partie gestion éditoriale, où je commence à choisir le sujet et me dire est-ce qu'il serait intéressant pour mes viewers, est-ce que j'ai déjà parlé de tel ou tel. Tel ou tel personnage, tu vois, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, tout. J'aime beaucoup faire des estimations, si ça marche, ça marche pas, etc. Cette partie-là. Mais sinon, ça serait plus le montage. Je pense pas être quelqu'un qui écrit très bien. Je trouve que mon style d'écriture est très brut. Mais moi, c'est plutôt le montage, et je pense que ça peut se voir avec les dernières vidéos, notamment. Notamment quand je monte du jeu vidéo où je veux donner un petit peu une ambiance. Donc par exemple pour la vidéo sur Street Fighter, j'ai beaucoup utilisé des sprites par exemple. Parce Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un sprite? À part la boisson, je ne vois pas. Un gif. Ah. Ou un gif. Ah, d'accord. Après, j'avais fait aussi le test pour une vidéo sur Metroid ou Pokémon, tu vois, où j'aime beaucoup faire un peu de graphiste avec notamment des textes, faire des formes notamment. Donc, faut savoir que même si j'ai d'abord commencé le montage vidéo en alternance, j'ai quand même appris quelques trucs plutôt sympas en termes de création. Je sais faire des illustrations, sauf que j'ai jamais pu le montrer parce que j'avais pas le time. Mais j'aime bien tenter de nouvelles choses. Et je vais montrer à G quand je faisais des animations avec des sprites en fait. Pour ma vidéo sur les 4 secrets de Superman, j'ai fait des animations entières avec des sprites. Et moi je trouve ça très long, mais je trouve ça très sympa quand le rendu est pas mal, quoi. Faut rajouter le son. Donc, il y a un petit peu une cohérence dans les mouvements et tout. Je trouve ça assez compliqué. Mais ça se fait pas beaucoup en France et je comprends vite pourquoi. Mais je trouve que là, dernièrement, ce que j'apprécie plus, c'est le montage, quoi. Et tu mets combien de temps à peu près pour faire une vidéo de A à Z? Ah, je sais Ça peut pas. beaucoup varier du coup. Bah, ça dépend de la longueur d'une vidéo. Pour donner Oui. un exemple, la vidéo du. La vidéo du mercredi prochain sur les costumes de Miles Morales par rapport au jeu, j'ai juste qu'à prendre des vidéos de gameplay, à télécharger des images de comics et à en montrer de temps en temps. Et puis le sujet, il est court, il fait 6 minutes. Mais par exemple, pour une vidéo sur Street Fighter où le sujet est beaucoup plus long, la vidéo fait 11 minutes à peu près, si je dis pas de bêtises. Je regardais. Elle fait 11 minutes 28. Là en ce moment, ce que je fais, vu que je fais plus de vidéos jeux vidéo, tu vois, autant dans le comics, je vais pas dessiner mes propres comics, mais moi j'aime bien quand je fais une vidéo sur les jeux vidéo d'avoir mon propre gameplay en fait. D'accord, ouais, ok. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai parlé de Street Fighter au début de ce live, c'est parce que j'ai beaucoup joué dernièrement et c'était intéressant, même si je me suis fait un peu laver le cul par les boss. Mais du coup, si on prend. En vrai, l'enregistrement de gameplay, je pensais pas que ça allait durer autant de temps. J'ai déjà fait des vidéos jeux vidéo où je prenais juste le gameplay parce que je me dis, je vais pas faire tous les jeux. Je vais pas faire tous les jeux sur un personnage. Par exemple, pour une vidéo sur Kratos, à l'époque, j'avais pas l'équipement pour. Et surtout, je trouve ça compliqué de filmer du gameplay de la PS3 ou de la PS4. Mais du coup, je voulais à tout prix montrer mon gameplay, surtout que c'est une vidéo un peu plus personnelle vu que je parle des boss. Donc Oui, en donc vrai, il y a vraiment les images de toi en train de jouer contre ces boss, quoi. en fait, tout, bah, en fait, quand je fais une vidéo, là, j'ai prévu de certaines vidéos, notamment Scorpion. De Mortal Kombat. J'ai galéré à acheter le Mortal Kombat 9 et tout, mais tu vois, je voulais vraiment avoir mon gameplay, je voulais pas montrer le gameplay d'un mec et tout. Autant, tu vois, pour le temps de. Pour la. Pour filmer le gameplay et tout, je mets un peu de temps, tu vois. Mais après, je trouve ça moins chiant que de télécharger un gameplay. Après, pour le montage, ça dépend parce qu'une vidéo comics, en fait, j'ai l'habitude. Je sais où chercher les informations, j'ai tout crédité. En fait, pour un montage comics, j'ai l'habitude d'en monter, j'ai déjà tout qui est fait. Donc, je vais pas changer de style de montage en fonction du comics parce que pour moi, je parle d'une BD, donc tranquille, quoi. Alors qu'une une vidéo jeu vidéo et peut-être bientôt manga, j'adopte un style différent en fonction de l'œuvre. Parce qu'en fait, j'estime que vu que je parle un peu du même univers, après ça dépend de quel personnage, mais vu que je parle souvent de héros principaux Marvel, c'est souvent les mêmes musiques, c'est souvent Ah ouais. les mêmes images et tout, donc j'ai pas trop de travail à ce niveau-là. Et surtout, en fait, bah j'ai ma source, je prends juste des screenshots et c'est bon, j'ai mes images. Alors que pour le jeu vidéo, faut que je pense un petit peu à faire un peu plus de mise en scène. Donc ce que je fais beaucoup en jeu vidéo, ça va être faire des faire un peu de graphiste, faire des écrans quoi, pour expliquer un truc. Et bah là notamment par exemple pour Street Fighter, j'ai mis des écrans. On voyait le cou du personnage avec un gif transparent. Et en fait, j'avais mis comment faire le coup, en fait. C'est une petite D'accord. touche, tu vois, qu'on voit dans les jeux de combat, en mode comment on fait le coup, en fait. Ouais. Alors que pour une vidéo sur Samus, c'était un peu plus de gameplay. Et ensuite, je montrais un peu les armures, en fait, vu que c'était le thème de la vidéo. D'accord. Ok. Très D'ailleurs, bien. je bosse pas seul sur les vidéos, c'est ça le pire. Ah Enfin, bon? T'es... depuis cette année, en fait. Vous êtes à combien du coup? Ça dépend des moments, mais en gros, il y a mon frère qui m'aide à écrire des vidéos. D'accord. Donc, je lui dis de chercher tel ou tel truc. En général, c'est pour les vidéos top. Donc, vu que je parle des tops officiels, le top en soi est déjà fait. J'ai juste qu'à le commenter, à donner mes idées et tout. Après, je lui pour les besoins des recherches, il se fait aider par les wikis, par les BD que j'ai à la maison, par les encyclopédies, donc tout ce qui est univers Marvel, ce genre de choses. Et notamment les fascicules de la collection Hachette, Et d'accord. que je trouve ça assez intéressant. J'ai Mizura qui a changé de pseudo. Ah ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui devient? Il est en stage chez moi. D'accord. Ah ouais. Donc, du coup, il va créer une nouvelle chaîne un peu plus dans ce qu'il aime, donc tout ce qui est manga et tout. Donc, lui m'aide plus. J'ai dit que j'étais pas très fort pour écrire des textes. Pas souvent un peu brut, et en vrai, je dois prendre du temps pour que le texte soit propre. Sauf que je lui demande de relire mes textes, de les corriger, de me donner un avis pour m'améliorer dans tout ça. Il monte de temps en temps des vidéos. Je lui donne en général des sujets qui l'intéressent, vu que t'as des sujets en montage, des fois c'est pas hyper fun, on va dire. Pour donner une idée, qui sont les nouveaux X-Men, c'est un peu classique comme vidéo. En plus, c'était une vidéo sponsorisée, donc fallait faire le truc bien et tout. J'essaie de lui donner des trucs plutôt cool. Après, on voit ensemble si tel ou tel sujet ça peut marcher, parce que j'en vis, donc je veux quand même manger mes cornflakes le matin, quoi. Bah justement, tiens, tu as commencé à y répondre tout à l'heure, mais c'était la question numéro 6, mais comment choisis-tu les sujets de tes vidéos? Ah, on va faire ça. Alors, en gros, là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, j'essaie de faire des choix qui vont assurer un petit peu la pérennité de la chaîne. Je le faisais déjà avant parce qu'en fait, je voulais que la chaîne soit en état normal, parce que je comptais en faire mon projet perso, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je parle souvent de héros mainstream. En fonction des commentaires aussi. Ah Donc oui, d'accord. tu vois, les gens, s'ils veulent une vidéo sur les formes de Hulk les plus fortes, je dis, ah tiens, ça peut être marrant. Je peux caser Immortal Ou si un Hulk. commentaire revient souvent ou quoi? Ouais, après les commentaires, c'est pas non plus une parole d'évangile, parce que moi, on m'a beaucoup dit Sentry, tu vois. Ouais. Tu vois, Sentry, moi je le connais, je dis, tiens, c'est le Superman de chez Marvel et tout. Tu vois, je dis, ça va marcher. En plus, j'ai reçu les comics récemment. J'ai fait le personnage a des gifs en Mugen et tout. Il a des sprites, donc je vais les utiliser pour faire quelques petites animations. Donc je dis, je vais faire un truc cool dessus, quoi. D'accord. Au final, la vidéo n'a pas beaucoup marché. Parce que Sentry, en fait, c'est que les fans de comics Ouais, c'est qui déjà le un peu plus connaissent. confidentiel. C'est ça. Mais après, en fait, là, on est en période assez creuse. Donc, du coup, Vu que maintenant j'ai un stagiaire que je dois payer, j'ai l'URSSAF, j'ai les impôts, je veux me verser un Paye tes salaire stagiaires, aussi. toi? Bah oui. À partir de plus de 2 mois, t'es obligé. Je savais pas. Enfin, je dis t'es obligé, tu vois, t'es obligé, c'est la loi, c'est pas t'es obligé, ça me fait chier, quoi. Tu vois, s'il travaille, je le rémunère, tu vois. Il y a aussi des monteurs comme Placenou et le coin de Dan qui travaillent pour moi, mais c'est une prestation en montage. Pour donner un D'accord. exemple, la vidéo qui arrive cette semaine, elle a été montée par Placemou. T'as d'autres vidéos qui sont montées par d'autres personnes. Parce que le truc, c'est que le montage, ça me donne du temps. Et tout le côté administratif de la chaîne, ça me met pas mal de temps. Ouais. Ah ouais. Mais après, surtout avec le coronavirus, en fait, j'ai plus de films. Du coup, je fais un peu moins de sujets du cœur. Vraiment que je dois parler à fond, genre les boss de Street Fighter, je voulais le faire, je savais que ça allait pas marcher. Je savais que ça allait pas vraiment intéresser ma communauté, mais je dis ouais, faut que je le fasse. J'ai envie de parler d'une frustration et tout. J'avais fait ça pour pourquoi Thor est un personnage de chez Marvel, donc parler des origines, pourquoi on a choisi Thor chez Marvel et tout. Mais en général, je regarde beaucoup ce qui se fait aux États-Unis concernant les choix de sujets. Je regarde aussi ce qui se fait sur ma chaîne. Donc, qu'est-ce qui avait bien marché, pas marché, etc. D'accord. Donc là, je suis obligé d'être un peu plus pragmatique parce que faut vivre, faut que la chaîne continue, même en temps de crise. Il y a plus de films. Ouais, tu peux pas trop suivre l'actualité, quoi, du coup. Bah, Parce je qu'il peux, n'y a plus trop d'actualité. ouais, c'est ça. Donc du coup, je dois faire des vidéos un peu plus aguicheuses. Et à un moment, quand juste en termes financiers, c'est bon, je peux lancer mon sujet du cœur, quoi. Même si je Ouais. sais que ça va pas marcher, en fait. Ouais, logique. Moi, C'est vrai que je fonctionne comme ça. Nous, puis après, surtout, ouais, on. que quand t'as envie de ta chaîne, ouais, tu peux plus vraiment faire ce que t'as forcément envie de faire, quoi. Faut faire ce qui marche aussi, donc. Ouais, c'est un peu. Après, ça veut pas dire que le sujet m'intéresse pas, parce que j'ai quand même lu les comics. C'est pas comme si je regardais une vidéo américaine que je copiais, je collais. Pareil, je passe sur Wikipédia et je colle, quoi. Ça a aucun intérêt. De toute façon, ça se voit. En fait, ça se voit dans les images que j'utilise, que j'ai lu les BD, en fait. D'accord. Tu vois, c'est trop précis comme terme et tout pour faire le truc. Et là, en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est en choix de sujet. J'ai beaucoup fait de présentation de personnages. D'autres personnes font ça, notamment Max, Mizura à l'époque, ou Marvel, le youtubeur, pas la boîte. Sauf que je voulais un peu me diversifier, sachant que au final, ce que je fais, d'autres personnes peuvent le faire. Donc du coup, j'ai commencé à faire plus de vidéos sur des tops. Donc là, ça a commencé à se voir, donc sur les 10 personnages DC les plus rapides. Où je disais qu'au final, le top était vraiment stupide. Genre, D'accord. Wonder Woman est dans le top parce que elle sait mieux courir, tu vois, ça n'a aucun sens. Genre, si moi je sais donner un coup de poing, est-ce que je peux défoncer Superman, quoi? Ça a aucun sens, tu vois. Là, t'as des trucs joliment bien dit. J'ai fait pareil pour les 11 personnages les plus intelligents. Et là, je vais faire ça pour les costumes de Miles qui vont arriver. Et pour les Hulk les plus puissants, quoi. Tu vois, Ah, bah tiens, petit teasing Castagne. pour G, ça. Ça Et bagarre. en vrai, souvent, quand je vois les derniers sujets, il y a beaucoup de sujets qui sont arrivés suite à une annonce. Si je reprends les derniers trucs de la chaîne, j'ai fait une vidéo sur Dark Carnage, donc Absolute Carnage. J'ai appelé qui est Dark Carnage parce que dire Absolute Carnage, c'est quoi? Ça n'avait pas intéressé les gens parce que les gens connaissent pas le nom des arcs. À part des trucs très connus, genre Civil War, Infinity War, mais c'est lié au film. Par exemple, Dark Carnage, qui est Thor Cosmique, Miss Marvel, Les Secrets de Fortnite, The Boys, Galactus, Les Nouveaux X-Men, La Vraie Force de Steve, et pourquoi Superman porte un slip. J'ai pris le sujet, j'ai choisi le sujet parce qu'il y avait une actualité dessus en fait. C'est pas un slip, c'est un sloggy. Je tiens à le préciser. Par exemple, en fait, pour qui est le Thor cosmique, bah il y avait le, en plus c'était, on m'a fait une OPSP pour sur Fortnite. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup bah j'ai joué au jeu et tout et j'ai présenté le personnage. Pour Miss Marvel, bah t'avais le jeu Avengers, donc du coup bah je voulais jouer. Les Secrets de Fortnite, bah c'est en jouant à Fortnite que j'ai vu qu'il y avait pas mal de secrets et d'easter eggs sur les costumes. Ouais. Là, t'as le costume marron de Wolverine, t'as le costume de Secret Wars de Doctor Doom. Ils sont les 7, je l'ai fait par rapport à la série The Boys. Ensuite, pourquoi Superman porte un slip, c'est parce qu'avec Album, ils vendaient les slips The Boys, et en fait j'aime bien faire des sujets un petit peu marrants sur Superman, genre pourquoi il porte des lunettes, pourquoi il porte un slip et tout. Du coup, on enchaîne sur la question 7. La vidéo dont t'es le plus fier, justement. La vidéo dont je suis le plus fier. En vrai, je dirais aucune des anciennes. D'accord. Parce que avec le recul, je parlais mais super vite. Donc aucune des anciennes. En vrai. Ah, c'est triste parce qu'elles n'ont pas marché, tu vois. Mm-hmm. Je dirais sans doute les 5 boss débits de Street Fighter, parce que c'était mon gameplay, c'était toute la vidéo est de moi en fait. Ouais, tu t'es fait un gros kiff là-dessus. Ouais, c'était ça. Les meilleures armures de Samus, que j'aime beaucoup la licence Metroid, et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez sur YouTube. Et avec les stats de la vidéo, j'ai compris pourquoi on n'en parlait pas beaucoup sur YouTube. pourquoi Nidoking peut finir à Pokémon Rouge en 1h45. Je trouvais ça drôle. Je trouvais le sujet drôle, quoi. Genre, pourquoi lui, il peut finir le jeu en 1h45. Puis ça parle un peu de speedrun, ça change un peu sur la chaîne. En vrai, je dirais peut-être les deux vidéos où je serais le plus fier. Ce serait soit les 4 secrets incroyables sur Superman, vu que j'ai fait des animations avec des sprites et tout. Puis même si les secrets, ils étaient un peu simples, en mode Superman est le premier super-héros ou Superman peut faire une supernova. Même si c'est simple. Je me suis éclaté à faire les sprites. Mais la vidéo où je suis le plus fier, je pense que c'est les dresseurs les plus puissants de Pokémon, parce que j'ai voulu changer en termes de voix, en termes d'écriture, en termes de montage et aussi en termes de sujet, parce que faire du comics tout le temps ça me saoulait. Dans le sens où je consomme pas que ça. Là, je lis des mangas, je regarde des animés, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et tu vois, tout le temps parler de comics, alors qu'en vrai les comics c'est un tiers de ce que je lis. Tu vois, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais m'améliorer en montage, dans la voix, et faire un truc un peu marrant, un peu personnel, vu que je parle de mes expériences en tant que joueur, et je trouve que c'est plus simple de parler de ses expériences en tant que joueur qu'en tant que lecteur. Parce que t'es plus actif dans un jeu, alors que alors que dans un bouquin, tu t'interprètes. Je vais faire une vidéo sur mes expériences dans la Warzone avec Jules. Moi, je te garantis qu'il nous arrivait des choses quand même extraordinaires. Effectivement, il y a moyen de faire une belle vidéo. Mais du coup, aussi, les 6 dresseurs Pokémon les plus puissants. En vrai, j'aime beaucoup la licence Pokémon. Ça faisait longtemps que je voulais en reparler, que j'avais déjà fait quelques vidéos dessus. Puis, c'était aussi pour moi, l'opportunité de changer un petit peu d'univers par rapport aux comics, quoi. D'accord. Et justement, à l'inverse, pour la dernière question, la vidéo que tu aurais fait différemment avec le recul, en fait. Une vidéo en particulier où tu te dis, là, à refaire, je la ferais vraiment différemment, quoi. Attends, je réfléchis. Ou une que tu... peut-être même envisage de refaire plus complète. En vrai, il n'y a pas de vidéo où je trouve que j'ai pas fait de truc complet. En fait, je parle des pouvoirs, des exploits des super-héros, un peu en mode un peu en mode Death Battle ou tu vois comme quelqu'un qui vénère des héros mythiques, tu vois, des héros mythologiques. En vrai, s'il y a une vidéo que je voudrais refaire, c'est la vidéo sur la vraie force de Spawn. Ah, Spawn. En vrai, Spawn, j'ai lu le début, en fait. En vrai, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que pour les vidéos sur les personnages, c'est dur de tout lire, tout sur le personnage, quoi. Tu vois, Spawn, j'avais ah lu bah, une bonne... ouais, Spawn, ouais. Tu vois, Spawn, j'avais lu pas mal du début, mais j'avais pas lu une grosse partie des comics récents. Donc, je sais pas si je loupe quelque chose ou si c'était bof, quoi. Mais je voudrais faire un truc un peu plus détaillé sur le personnage, sachant que je l'ai joué dans Mortal Kombat. Ouais. Et j'ai cassé beaucoup de bouches avec Mortal Kombat, et je trouve le personnage vraiment stylé dans le jeu. Je trouve que c'est un. Je trouve que Netherim Studio l'ont bien rendu hommage. Et en vrai, ça serait une vidéo que je referais, ou peut-être comment commencer les comics. D'accord, carrément, ouais, d'accord. Tu vois, ou parce que j'ai changé de raisonnement par rapport aux comics. Donc je ferai la vidéo différemment, mais après là, il y a pas de vidéo où je me dis vraiment, tiens. Il y a peut-être Old Man Logan où des fois je suis pas. Le texte est pas super parce que j'avais les études, mon taf et tout à côté. Ouais. J'ai un peu bâclé l'écriture, tu vois. Ça, je reconnais que dans certaines vidéos, l'écriture, elle est pas Oui, ouf, ouf, tu vois. Tu pouvais pas vraiment te consacrer à ça, le peaufiner comme tu voulais, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Maintenant, en fait, j'ai fait des études en management pour être chef de projet sciences de l'information. Moi, le truc que j'aime bien avoir, c'est du temps, des ressources, une vision, tu vois. C'est après, je suis pas, je suis, tu vois, je suis pas quelqu'un qui est en mode, tu vois, je veux commander et tout. Moi, je veux que tout soit bien organisé et je veux avoir le temps pour le faire, pour bien le faire, quoi. Et je me suis jamais autant éclaté de faire des vidéos, donc surtout dans le montage, des fois juste le choix des sujets. Donc, pourquoi Superman porte un slip, je trouvais que le sujet était drôle, en fait. Oui, c'est un peu décalé, quoi. Ouais, et puis après, tu vois, c'est plus de ce côté-là, en fait. D'accord. Bah écoute, merci pour toutes ces réponses. Et bah, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. On va faire un petit tour de table pour les prochaines émissions, les prochains projets. Bah, si tu veux commencer, pour nous donner, si tu veux, une petite exclue sur ta chaîne. Alors, sur ma chaîne, j'ai fait une commande de pas mal de miniatures, parce que les miniatures, je les fais pas moi-même, que je suis pas... Mais nous non plus. je suis pas super fort en miniature, je suis plutôt en montage, tu vois, j'ai du mal à faire un truc attrayant. Si tu cherches un autre stagiaire, il y a Jules de dispo, je pense. Même pas du coup, en vidéo qui devrait arriver sur la chaîne, il y a les Hulk les plus puissants, un sujet plutôt marrant. Une vidéo sur la vraie force de Miles qui parle de ses pouvoirs et tout. Et je pense que ça va intéresser les gens qui ont acheté le jeu, vu que les pouvoirs sont aussi dans le jeu. Les costumes aussi, vu que j'aime bien faire des tops. Tu vois, moi je pense pas que j'ai une chaîne où j'analyse des trucs et tout. Des fois, je trouve que c'est un peu. Tu vois, des fois, je trouve qu'on intellectualise un petit peu trop. Tout et n'importe quoi, mais au final, moi je pense être une chaîne de divertissement, mais en prochaine vidéo, il y a pourquoi Goku n'est pas intéressant pour l'interrogation. Au ouais. Final, il est, mais c'est juste un petit tag guicheur en fait. Mon cœur a fait un arrêt. Eh ben, merci bien. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Hein. J'espère que ça t'a plu aussi. Ça nous a permis de mieux te découvrir. Hein, on va se le dire, un gros YouTuber, voir un peu l'envers du décor, c'est bien intéressant. Oui. Est-ce que tu veux nous donner une exclue, toi, sur ta chaîne? Est-ce qu'il va y arriver quelque chose bientôt? Eh ben non. Feignasse. Non, si, il me reste une vidéo qui est prête et qui devrait sortir pas tout de suite, je pense d'ici 15 jours, 3 semaines, je sais pas, je vais voir, sur Gotham Central, et puis on va se diriger doucement sur la fin d'année, et normalement il devrait y avoir une dernière vidéo sur mes lectures de l'année, voilà, puisque Vincent Dramout m'avait conseillé en début d'année de noter toutes mes lectures, et ben on va faire un petit bilan d'une année de lecture. Et voilà, et je pense que ce sera. Est-ce qu'il y aura des graphiques ? Ben, peut-être, si tu me les fais, avec grand plaisir. Voilà. Un beau graphique Excel. Un camembert. Ah, putain, en plus, son truc, il est rentré sur une application Note de portable. Oh. Donc c'est même pas possible genre, de faire une extraction. Vous pouvez pas le mettre sur un tableur directement hein. Oh, je peux te faire un copier-coller et te l'envoyer. Tu t'en démerdes hein. C'est pas... Bon et puis bah, Dramout et moi on n'a pas de chaîne. Donc on n'a pas de nouvelles. Et puis ben, on reviendra pour normalement très bientôt pour la deuxième émission des Corona Gris. Qu'est-ce que c'était ça? C'est la braguette de quelqu'un ça? Non, c'est en fait mes parents se couchent. Donc du coup je range mes affaires. C'était la trousse. Et donc, comme je disais, on va revenir donc très bientôt pour une deuxième émission des Corona Gris avec un nouvel invité. C'est pas encore fixé, c'est pas encore figé, on ne sait pas. Donc, à voir. Et en tout cas, merci au chat d'être toujours présent, hein, toujours aussi nombreux. Ça fait plaisir. Un réel plaisir de toujours vous retrouver. Et puis, eh bien, à la prochaine et bonne soirée. Salut. Salut. Salut.